vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. À la Seigneur Couilly nous embarquera pour un voyage scientifique à bord de son bus magique. Et Tania sera plus divertissant qu'un lapin dans un chapeau avec Sport et Pioché et Tania Escondrin de Tania. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie pour toi, aujourd'hui. Assemblage Rookie pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rookie en ce lundi 17 octobre 2016, 192 jours de la fin de l'année scolaire 2016-2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Ça va, Tania? Ça va très bien. Oui, lundi, hein? Oui, hey, lundi. Ah, lundi, pas facile. Tu sais ce que je me suis dit ce matin? Quoi? Je me suis dit, j'ai vraiment pas hâte au jour où je vais devoir me lever comme une heure encore plus tôt que ce que je me lève d'habitude, simplement pour déneiger ma voiture. Ah, j'avoue. Mais là, l'heure va changer, là, hein, comme dit. Oui, ben oui. On va reculer, fait dans le fond. C'est en novembre, ça, si je me souviens. Novembre, ouais. Ouais. Ah non, la semaine commence tranquillement avec une petite fatigue, je pense, pour tout le monde. Oui. On va se sortir de ce pétrin-là dans les prochaines heures ensemble, parce qu'on va voir Alassania Couilly à 8h pour sa chronique Le bus magique d'Alassania. On va parler de science, on va parler de corps humain, de découvertes, des trucs comme ça. Il y a tes deux chroniques aujourd'hui, Tania. Tu te forces pour nous pas mal. Oui, mais on a décidé de changer l'horaire de Sport et Flushé. On se souvient, en temps habituel, c'était les mardis, mais on s'est dit pourquoi pas le faire lundi. Oui, ben parce qu'on manquait de temps le mardi, premièrement. C'est ça, exactement. Et qu'on peut revenir sur la fin de semaine. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de sports qui se déroulent durant la fin de semaine. Donc, quoi de mieux que d'en discuter le lundi matin, direct, bang, en partant de notre semaine. Voilà, on va faire ça vers les 8h30. Et ensuite, ta chronique, Tania Escondrin, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Bien, je vous ai déjà parlé des réseaux sociaux. Ouais. Je vous ai déjà parlé de la fibre très entrepreneuriale que les jeunes ont aujourd'hui. Et je vous ai déjà parlé de la génération d'aujourd'hui individuellement. Mais aujourd'hui, on met tout ça ensemble. Ben voyons donc. Ben okay, voyons donc. Oui. Moi, je vais faire C'est un fait dans quelques instants, mais ça va lancer une pièce de Charlotte D. Wilson. Find You. À son âge, oui. 89 FM. Five o'clock. Charlotte Day Wilson, Find You dans l'ensemblage requis ce matin. Maintenant, c'est le moment d'apprendre des choses. On va en trouver des réponses à nos questions. Voici, c'est un fait. Oh. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Ouais, bon. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Je pense qu'on représente bien notre auditoire qui, le lundi matin, hey, comme ça, baille un petit peu partout. C'est normal, on est dans la même situation que vous. C'est pas parce qu'on est à la radio qu'on est super ensemble. Non, non, non, assurez-vous de ça. Ailleurs, ils font semblant, nous, on vous le dit. T'as. Oui, c'est ça. On vous le dit, on est moyennement réveillés ce matin. Donc, c'est un fait, c'est la chronique des choses véritables et vérifiables. Commençons avec le mouvement de la Terre. C'est vraiment très intéressant. C'est l'article de la BBC. Étant donné le mouvement de la Terre et des plaques tectoniques, l'Australie bouge. Oui. À chaque année. Et il prévoit adopter un système de GPS différent en 2020 pour compenser pour le changement. J'étais sur l'article sur la BBC. C'est que l'Australie va changer sa longitude et sa latitude pour adresser le trou, la différence qu'il y a entre les coordonnées locales et celles des systèmes de navigation globales par satellite, donc les Global Navigation Satellite Systems. Les coordonnées locales utilisées pour produire les maps et les mesures et les données globales ont une différence de plus de 1 mètre. Et... Donc l'unité qui est responsable pour ce changement-là a dit que ça allait aider le développement des voitures qui se conduisent toutes seules, qui ont besoin évidemment d'un... pas mal plus de précision que ce qu'on avait. L'Australie bouge d'environ 7 cm vers le nord annuellement à cause des mouvements tectoniques. Les systèmes de satellites modernes fournissent la localisation basée sur les lignes globales de longitude et de latitude qui ne bougent pas même si le continent sur Terre, lui, bouge. Par contre, plusieurs pays produisent des maps et des mesures avec les lignes de la longitude et de latitude qui sont fixées à leur continent local. Donc, ça dit que si les lignes sont fixées, vous pourriez mettre une marque dans le sol, mesurer ses coordonnées, et ça va être la même coordonnée dans 20 ans. Oh, okay. C'est la façon classique de faire les choses, mais étant donné les mouvements de plaques tectoniques, ces coordonnées locales diffèrent des satellites. Donc, ça dit que c'est environ que ça bouge de 1,5 mètre par année. Il y a une couple de places comme ça, hein, où que c'est en train de se produire. Si je me souviens bien, l'Australie n'est pas tout seul. Non, absolument pas. Je me suis trompé dans ce que je viens de dire. C'est environ 1,5 mètre de différence parce que le pays bouge de 7 cm par année. C'est pas 1,5 mètre par année, c'est que ça fait maintenant 1,5 mètre entre le satellite et le pays. Ensuite, en Italie, ce n'est pas un crime de voler de la nourriture si tu as faim et que tu n'as aucun autre moyen de te nourrir. Écoute, good. C'est la logique des choses. C'est encore une fois selon la Bible ici. Ensuite, c'est pas toutes les abeilles qui sont jaunes. Ah non? Non, il y a une abeille charpentière bleue qu'on voit en photo sur assemblagerequis.com. OK. Et toute poilue avec ses poils bleus. Ouais, elle l'a pas, c'est que celle-là, je trouve qu'elle fait pas aussi peur qu'une jaune. C'est vrai que c'est peut-être la couleur qui était. Ouais. Mais on dirait qu'un enfant a pogné son marqueur. Vraiment. Juste dessiné dessus. C'est quand même joli. Ensuite, take this lollipop. Take this lollipop. Prends cette sucette, ce suçon, qui est un film interactif. Qui accède au profil Facebook du téléspectateur, localise la maison du téléspectateur via les données de son profil et ça montre les dangers lorsque tu postes trop d'informations personnelles sur Internet. L'information qui est rassemblée est ensuite effacée, ce qui fait que le film est différent pour chaque spectateur. Hein? Ce film d'horreur interactif de 2011 a une application Facebook écrit et réalisé par Jason Zada qui utilise donc l'application Facebook Connect pour amener les spectateurs eux-mêmes dans le film via leurs photos, leurs messages dans leur profil Facebook. L'acteur Bill Oberst Jr. est dans le rôle du Facebook Stalker, donc l'espion Facebook si on veut. Le film essaie justement de personnaliser le film pour te conscientiser à arrêter de mettre des informations aussi personnelles. Tu sais, quand tout le monde poste qu'ils sont en vacances, là, qu'ils s'en vont en Cuba, là, ben, ça veut juste dire aux voleurs qu'ils peuvent aller voler chez vous. Ouais. Faites attention à ça. Dites-le au retour. Une fois revenu, hey, je suis allé à Cuba. C'est parfait. C'est pas mal plus logique comme ça. Dites-le pas avant. Non. Est-ce que tu mangerais une feuille d'érable? Pas le biscuit, on parle de la feuille littéralement d'érable. Non, je penserais pas. Ben, je te jure que c'est populaire au Japon. Les feuilles d'érable frites, fried maple leaves. C'est une collation automnale au Japon. C'est spécialisé dans Osaka, au Japon. C'est fait en faisant frire une feuille d'érable japonaise dans de la tempura. Ah, ouais. C'est cool, hein? Mais on dirait que t'sais, ça ne doit pas goûter grand-chose. J'avoue que c'est une feuille, là. Mais la friture, tempura. Il y a des gens qui disent « Je suis quand même surpris que le Canada ait pas essayé ça avant le Japon. » Tout à fait d'accord. On innove peut-être moins que les Japonais. Mais c'est ça, c'est ce qui goûte dans du tempura, c'est le tempura. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Tu pourrais faire frire de l'air, puis ce serait bon pareil. C'est un peu ça, finalement, une feuille d'érable. Ouais, c'est ça. Je pense que l'idée est bonne quand même. Ils ont essayé de trouver la chose la plus minimaliste possible pour qu'on goûte juste le tempura. Exact. Ah, pas d'arrière-goût de crevette, là. Oh. Non, des sushis, mien. Non. Les bulles de bain à bulles, tu sais quand tu prends un bain avec des bulles. Oui. Les bulles vont isoler de façon thermique la surface de l'eau, ce qui va garder le bain plus chaud, plus tiède, pour une plus longue période de temps. Il y a même un petit graphique sur assemblagerequis.com qui vous montre la température de départ et la température de fin avec et sans bulles. Au départ, la température est la même, vers les, je dirais, 46... degrés Celsius environ à 0 minute. Et à 100 minutes, on est rendu à peut-être 30 sans bulles et presque 34, mettons, avec les bulles. Et vers la fin, complètement, on est rendu à 10, je crois que c'est 10 sans bulles et peut-être 22, 23 avec les bulles. J'essaie de voir, les chiffres sont marqués. J'avais pas ça. Plus aux dizaines. Oui, c'est cool, hein? Puis si vous voulez enlever la mousse dans votre bain... C'est simplement de laisser tomber une barre de savon. Ah oui? Dans le bain. Arrête donc. Oui, la mousse devrait s'en aller. Ah! Ouais. Wow, c'est cool ça. C'est hot, hein? Un petit mélange d'instructions d'assemblage dans cette chronique-là. Exactement. C'est pas de refus. Le film Roar de 1981, pas featuring Katy Perry, juste Roar, est considéré comme le film le plus dangereux à avoir été filmé de toute l'histoire. Une équipe de plus de 70 membres a travaillé avec des animaux prédateurs, évidemment des lions. Lions, tigres, lions? Lyon. Lyon. Ils ont souffert de blessures comme des fractures des os, de la gangrène. Ils se sont fait arracher la peau. C'est ça, du scalping, c'est se faire arracher la peau. Donc c'était en 1981, le film. La gangrène, c'est pas quand t'as froid puis il faut qu'on t'enlève quelque chose. On va aller voir la définition même de gangrène pour s'amuser. Une nécrose. Hein? C'est ça, c'est une partie de ton corps qui meurt. Oui, une nécrose des tissus causée par une obstruction artérielle, par embolie, choc, infection, par exposition à un froid intense, t'as raison. Son origine est plus souvent liée à l'interruption prolongée ou au ralentissement extrême de l'irrigation sanguine. Dans les siècles passés, les blessures de guerre maltraitées et infectées amenaient les victimes à la gangrène, puis à l'amputation d'un membre. En l'absence d'apport d'oxygène, les tissus meurent, puis se putréfient. Ah! Tu avais raison sur tous les points. Ben, merci. Ouais. J'aime savoir raison. Oui, on aime tout ça. Il y en a juste que c'est plus rare que d'autres. Ouais, c'est ça. Lorsqu'il a été blessé, Thomas Baker a demandé à une escouade de laisser à côté contre un arbre. OK, il était dans l'armée. OK. Donc, il a été blessé. On l'a demandé de l'accoter à un arbre avec un pistolet et 8 balles de fusil. Plus tard, les forces américaines ont trouvé Baker, qui était maintenant décédé, au même endroit avec un pistolet vide et 8 soldats japonais autour de lui. Hein? Le gars, il a été blessé. On l'a accoté contre un arbre. Okay. Il a réussi à tirer 8 japonais. OK. Il était juste blessé. Il était blessé, mais imagine, là, il est blessé assez pour qu'on l'accote contre un arbre et il a réussi à tuer 8 personnes avec ses 8 balles. Jusqu'à la fin. Thomas Baker. Malade. Ouais. Ensuite... Est-ce que quand les gens ils l'ont retrouvé, lui, il était pas mort? Non, il était mort. OK. Oh, ouais. Ça aurait été moins, histoire de film 101. En archéologie, on a réussi à recréer des recettes préhistoriques de l'âge de pierre. Comme un mussel salmon leek stew. Donc ça, c'est un ragoût de saumon, je crois que c'est des fruits de mer et des... c'est quoi l'affaire qui fait pisser, là? Ton pipi sent mauvais. Du thé? Non. Le légume. Du navet? Non, l'autre en branche verte. En branche verte? Pas les artichauts, c'est quoi l'autre mot? Voyons, ça me sort pas. Attends un peu. De toute façon, c'est même pas ça. C'est même pas ça que je cherche comme mot, c'est même pas celle-là. Attends un peu, je vais aller chercher. C'est un leek. Attends un petit peu. Leek étant un poireau. Ah, du poireau, ça fait faire pipi? C'est pas celle-là. Je me suis mélangé avec l'autre, mais que je trouve pas le nom encore. Puis tu m'aides pas bien. Un artichaut, c'est du vert, poireau, c'est un légume vert. Un céleri? Non, comme en branche, c'est dégueulasse. Le bout est dur. Dépendant comment tu fais cuire, ça peut être super mou ou super gentil. Ah, du bok choy? Non, l'autre. C'est un beau jeu quand même. Ouais. Hey, pour vrai, ce serait un bon quiz à VTL l'automne prochain. Là. C'est genre le gars qui sait pas devine c'est quoi le légume. Tu sais l'affaire, c'est comme vert, hein, c'est dur, c'est pas bon. T'sais, c'est... Ah, c'est pas bon. Mon ex, bon. Ça faisait ça, puis c'était pas bon. Hein, qui faisait ça? Mon ex, ça m'en faisait manger, j'ai essayé ça à chaque fois. Légumes verts. Attends, j'ai juste tapé légumes verts. J'imagine tellement, c'est genre Alexandre Barrette qui anime ça, c'est cœur. Hein. OK. Avec un panel de vedettes. Ah, de la kale? Non, pas tout. Pas de la kale. Hey, ça, c'est un bâton vert de la kale, c'est du chou. Ah, c'est un bâton, le style un bâton comme de céleri? Ouais, mais en pas bon. Ça ressemble à quoi? C'est juste un bâton vert avec des petites feuilles. OK, artichaut? Ça? Non. Non? Ça? Une asperge? Asperge! Oh, tu me parles de l'asperge! Un point! Pourquoi tu dis que ça fait faire pipi, l'asperge? Ça fait que ton pipi sent mauvais, non? Hein? C'est pas ça? Attends, là, ça mérite une recherche. Ouais, on est dans C'est un fait, faut dire des vraies affaires. Ouais, tu sais. C'est quoi le mot déjà? Asperge. Asperge. Je ne retiens jamais ce mot-là. Ben, Moses, Mathieu. J'ai raison. T'as raison. Oh, yeah. Apparemment que les asperges donnent une forte odeur à l'urine. Wow. Attends, là, je suis en train d'ouvrir l'article, je me demande pourquoi. Elle peut aussi avoir le désavantage de donner une odeur désagréable à l'urine. Donc, l'asperge, ça va protéger le cœur. Ça limite les risques de cancer. Tu vois, c'est pour ça qu'elle te faisait manger ça, ton ex. Ouais. Et merci. Ça empêche aussi le dépôt de cholestérol dans les artères. Wow. Elle laisse une forte odeur dans l'urine. Dans une vidéo anglaise postée sur YouTube, le présentateur explique les raisons de cette odeur. Donc, on parle de l'acide asparagusique, qui est une acide, en fait, que l'asperge contient, donc qui est digéré. Et cet acide-là va produire des composés contenant du méthanéthiol, du sulfure de diméthyl et du diméthylsulfone qui sont évacués dans l'urine. Et c'est ça qui laisse une odeur très particulière. Cool. Donc, en réalité, c'est comme du soufre. Ouais. Parce que ces composés-là contiennent du soufre, ce qui peut être assimilé à une odeur d'œuf pourri. Wow. J'avais jamais réalisé que quand je faisais pipi après avoir mangé des asperges, ça puait. Tu sens pas ta balle après chaque fois? Non, je suis désolée. Donc, les archéologues... Ah, c'est une excellente édition de Trouver le mot avec Alexandre Barrett. Oui. Donc, les archéologues ont recréé des recettes préhistoriques de l'âge de pierre. Par exemple, du saumon avec des asperges, hein, oui. Un ragoût. Servi avec un pain plat et des mûres avec du miel et des noix. Donc, c'était de l'époque de l'âge de pierre. Mais ils mangeaient bien. Bien, ouais. L'astronaute suédois Christer Fuglesang avait pas le droit d'amener du jerky de renne. Tu sais, les rennes, les animaux, là? Oui. Avait pas le droit d'amener du jerky de renne avec lui à bord de sa mission parce que c'était bizarre pour les Américains aussi peu de temps après Noël. Il a dû amener, c'est quoi, mousse de l'orignal? Oui. Du jerky d'orignal, ce qui faisait moins peur aux Américains. OK. Parce qu'il disait, ah, tu sais, je me suis dit, il a marqué sur son sac, là. Ouais, c'est jerky ça. Jerky de renne. Reindeer jerky. Il se retourne à la caméra, genre, reindeer jerky. Dessus, c'est marqué Rudolph. Ouais. Ensuite, la main d'écriture, tu sais, écrire en lettres attachées. Oui, hey, ça, là. Oui. Ça, là, j'ai de la difficulté avec ça. Pour vrai? Oh. Ah, c'est le fun, moi, je trouve ça beau. Puis je me faisais chicaner au primaire. Oh. Parce que j'écrivais pas en lettres attachées. Mais t'es gauchère, c'est normal. Ouais, je sais. Tu croches. J'écris bien, par exemple, aujourd'hui. Ah bon. Donc, la lettre attachée, l'écriture en lettre attachée est tellement moins populaire maintenant que... Tu vois? Au Royaume-Uni, un répondant à un sondage sur trois a dit qu'il n'avait rien écrit à la main, en général, depuis les 6 derniers mois. Non, c'est pas vrai. J'écris souvent, mais j'écris demi-lettre attachée, demi-détachée. Ouais. C'est tout le temps ça que je vais faire. Mais c'est vraiment juste à cause que quand j'écris en lettre attachée, ma main... Elle suit le crayon. Elle suit le crayon. Ouais. Ça raye tout. Ouais. J'ai ça. Mais bref, une personne sur trois qui a pas écrit rien à la main en 6 mois, je trouve ça quelque chose. Mais c'est pas beaucoup. Lettre attachée ou détachée, juste pas en tout. Ensuite, il y a une école en Angleterre qui s'appelle Christ's Hospital. Le nom hôpital du Christ. Ils portent le même uniforme depuis 460 ans. Hein? Ils ont l'air un peu, je dirais, de prêtre ou de Amish ou quelque chose comme ça, avec un grand veston noir, oui, avec des boutons. Métallique au milieu. Un petit carré blanc, un peu comme un prêtre portrait en haut de son habit, mais plus large que ça. Un col, si on veut, qui rentre en carré en dessous de leur gorge. Une ceinture en cuir qui laisse pendouiller. Et en dessous du veston, t'as soit une jupe ou un pantalon. Ou sinon, je pense que les gars, c'est un long manteau. Attachez bien votre truc, c'est le prochain uniforme du CMI. Peut-être, ben, les bas sont genre de jaune moutarde, je doré. Sais, hein? Ça pourrait être porté au CMI, ce genre de couleur-là, non? Oui, tout ça à fait. Ça très au bout. Il y aura de busy bees, des abeilles très occupées. Même les gars ont l'air d'apprécier comment ils sont habillés. C'est pas laid, là. Non, non. C'est indémodable, je dirais. Exact, c'est pourquoi ils les portent depuis 460 ans. Voilà. Ensuite, Volvo. Oui, la voiture. Compagnie de voitures, la compagnie derrière ces voitures-là a inventé la ceinture à trois points. Tu connais le point qui est en haut attaché à la portière, en bas à côté du siège et de l'autre côté à droite de ton siège. Ça fait un genre de L, si on veut. Oui. Donc, Volvo a inventé cette ceinture à trois points et a donné le brevet aux autres compagnies pour sauver des vies. Mon Dieu. Enfin, quand même, parce qu'avant, on se rappelle que les ceintures, c'était juste gauche-droite, là, comme une ceinture de... Ouais, c'était pas super. De manège, là. Exactement, pas génial. Ensuite, une cave en France à l'empreinte d'un garçon de 8 à 10 ans, on estime, selon les scientifiques, laissé dans la boîte il y a 26 000 ans, à côté de l'empreinte d'une patte de soit un loup ou un grand chien. C'est la plus vieille preuve de relation humain-canin qu'on a réussi à trouver jusqu'à maintenant. Hey, 26 000 ans. 26 000 ans, c'est en France que ça s'est passé. Entre 90 et 95% des ventes de téléphones cellulaires au Japon sont des téléphones à l'épreuve de l'eau. Parce que les jeunes filles japonaises aiment tellement leur téléphone cellulaire qu'ils l'utilisent même dans la douche. Mais là... Je te jure! C'est sérieux, ça? 90 à 95%. Et là, ça s'en vient aux États-Unis, en Amérique du Nord, les téléphones qui sont à l'épreuve de l'eau, un petit peu de plus en plus populaires, mettons. Peut-être qu'on va commencer à avoir des gens qui vont prendre leur douche avec leur téléphone après s'être entraînés, peu importe. On voit déjà des gens qui sont pas capables de faire pipi à l'urinoir sur leur téléphone. Il y en a qui se lavent les mains avec leur téléphone à côté. C'est pas pour les filles, là. Parce que, tu sais, OK, pour un gars, c'est plus facile de l'échapper, mais pour une fille, c'est... Tu peux pas vraiment échapper ton téléphone dans la cuvette. À moins que t'aies tellement un taille gap entre tes deux jambes que ça se puisse. Mais c'est rare. C'est très rare. C'est très rare. Ensuite, continuons en 2012, un père chinois a engagé des gamers pour tuer son fils dans un jeu vidéo pour l'arrêter et l'empêcher d'avoir sa dépendance au jeu vidéo. Mon Dieu, c'est donc bien malsain comme relation. L'article ne dit pas si ça a fonctionné. Mais j'imagine. Mon Dieu, ok. Ensuite, en plus des 7 péchés capitaux, tu connais les 7 péchés capitaux? Oui, qui est... attends, c'est quoi déjà? C'est le mensonge? Je m'en vais sur la page pour aller voir. Ok, mensonge, ouais. Ouais, ouais. T'as la gourmandise, le mensonge. C'est les deux que je connais. L'orgueil. Non? Le or. Ça, c'est l'attribution à ses propres mérites de qualité de comportement qui sont des dons de Dieu. OK, l'orgueil. L'avarice, qui est l'accumulation de richesses recherchées pour elle-même. Ah, OK. L'envie, qui est la tristesse ressentie à la possession par autrui d'un bien. OK. La colère, qui est le produit des excès en parole ou en acte. Ça va pas bien, là, finalement, on vit dans... Ouais, pas mal tout. La luxure, qui est le plaisir sexuel recherché pour lui-même. La gourmandise, tu l'as dit. C'est pas tant la gourmandise comme on le pense aujourd'hui. Qui est, blâmant pour la... c'est plutôt la gloutonnerie. Oui. C'est déjà jamais arrêté, moi. Ouais, c'est ça, l'idée de démesure et d'aveuglement. Ouais. Et la paresse, anciennement l'acédie. Terme disparu du langage courant, une forme de dépression due au relâchement de l'acès. Il s'agit en effet de paresse morale. L'acédie est un mal de l'âme qui s'exprime par l'ennui, l'éloignement de la prière, de la pénitence et de la lecture spirituelle. Mon Dieu, finalement, ça va pas bien. On vit dans le grand déni, là, oui. Tout le monde. Et je présume que c'est l'acédie, non pas l'acédie. Fait que ça doit être l'acédie. Ah, j'imagine. Donc, le fait, c'était pas... mon fait n'étant pas, il y a 7 péchés capitaux. Ouais, c'est ça, les voici. Ça serait un petit peu plate. Non, c'est qu'il y a aussi 7 vertus. Oh! Oui, 7 heavenly virtues. Chasteté. OK. Je sais pas comment est-ce que je traduirais. Tempérament. Tempérament, ouais. Charité, diligence, patience, gentillesse et humilité. Diligence. Qu'est-ce que de la diligence? On va aller voir la définition de diligence pour être certain de ne pas dire de niaiserie. Et de voiture hippomobile pour le transport en commun, Tania. Donc, il te faut une voiture pour le transport. C'est le c'est le zèle. Oh, mon promptitude, rapidité et efficacité. OK. Ouais, donc c'est, ah ouais, fait que si tu fais ça, tu devrais aller au paradis, c'est ça? Oui, ça ou encore un transport en commun, mais c'est vraiment un des deux, là. C'est... OK. Ouais. Mais si tu fais les deux, tu sais, les PJC capitaux et celle-là, tu te ramasses où? Oh, tu restes ici, pour toujours. C'est ça. Ça s'appelle en français les vertus cardinales ou les vertus catholiques. Genre. Ouais. Non, c'est les vertus catholiques, l'autre, c'est pas la même chose. Ah, OK. Ouais. C'est ça? Ben, je parle. La théologie scolastique chrétienne se définit 7 vertus. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va se dépêcher, il nous en reste quelques-uns. Walmart permet aux véhicules récréatifs de se stationner dans leur stationnement. Au cas où vous n'aviez pas remarqué. À certains endroits seulement, c'est pour ça qu'on en parle. Dans le fond, sur leur stationnement, parce qu'ils sont capables de le faire et que le prix est gratuit donc pour passer la nuit. Dans certains états, Walmart met des barreaux pour que les gens puissent pas amener leur trailer ou leur tracteur dans le stationnement. En Floride, il y a de plus en plus de pancartes qui disent qu'on ne peut pas se stationner chez Walmart. Il y a aussi des camions de remorquage qui sont présents sur place ou encore qui font le cercle autour du Walmart parce que les gens commençaient à vivre là à long terme et prenaient la majorité du stationnement et n'achetaient rien de chez Walmart. Ah, mais non, mais il y en a, là, sérieusement, là. Que, tu sais, il y en a qui vont faire, genre, la route des vins en motorisé. Non, je te jure, ça existe, la route des Walmart. Ben, voyons donc. C'est quelque chose qui existe. C'est des grosses vacances. Ouais. Allons-y avec, tiens, souvent la frontière entre Berlin-Ouest et Berlin-Est passait directement dans les maisons à l'époque. Donc, dans certains cas, l'entrée était du côté Est et les fenêtres étaient du côté Ouest. Lorsqu'on a commencé à construire le mur de Berlin, plusieurs résidents sautaient par la fenêtre pour se rendre dans la rue et ils se faisaient prendre par des pompiers de l'Ouest ou par les gens de la ville. Donc, il y a des photos sur assemblagerequis.com qui montrent Frida Schultz, 77 ans, qui essaie de s'échapper d'une fenêtre d'une maison située dans le secteur Est de Berlin. Les services secrets de l'Est de l'Allemagne. On voit les officiers en fait dans les fenêtres à essayer de la retirer de là. Mon Dieu. Elle a 77 ans, faites attention. 77 ans, aussi. Et pour terminer, dans un autre ordre, ça paraît qu'ils sont pas dans l'ordre de leur pertinence ce matin. les koalas sont des créatures assez solitaires, tu savais ça? Oui. Savais-tu qu'en anglais, chaque animal a un mot, un groupe de quelque chose, un ensemble de quelque chose, un paquet de quelque chose. Chaque animal a un mot pour représenter le groupe. Ah, OK. Non, chacun savais différent. Pas. Tu savais pas ça? Non. C'est vrai. Mais les koalas, j'ai vérifié parce que ça avait l'air un petit peu pas crédible. J'ai vérifié, c'est vrai. Les koalas sont tellement solitaires qu'il n'y a pas de mot pour un groupe de koalas. Eux, ils connaissent. Bam, ils connaissent ça. Donc, les koalas, j'ai vérifié, c'est vrai. Si vous ne me croyez pas, allez voir la source sur assemblagerequis.com. Voilà, c'est tout pour cet fait. On apprendra d'autres choses la semaine prochaine. On fait ça les lundis habituellement à assemblagerequis. Maintenant, on retourne la pause à la Sania Couilly qui va être avec nous pour son bus magique. On parle de science, on parle de médecine, on parle de corps humain et tout ça se fait au retour à assemblagerequis. Restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fait pour l'écouter. 89. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage requis en ce lundi 17 octobre 2016. Tania Baudin est encore en train de s'étouffer. Et Mathieu Plante. Ça va pas bien le matin, toi? Non, ça va vraiment pas bien. Mais vous êtes sûr? Ben, ça aurait été un bel annonce, on avait pu transitionner vers le sujet de parler du rhume ou de la grippe. Mais non, on va parler quand même de tout ce qui se rapproche à la découverte du monde autour de soi, que ce soit la science, médecine, des trucs comme ça, avec Alassania Couilly. Donc voici, et là, je me suis gâté avec juste la petite intro, là. C'est son bus magique. Bonjour à la Sonia. Bonjour. Ah, puis c'est cool, j'aime beaucoup. Oui. C'est de savoir où embarquer dessus, mais ça va venir avec le temps. Bref, bienvenue à toi pour ton bus magique. On a déterminé ça pendant la chronique la semaine passée que ça fitait pas mal avec ton. Absolument. Ton idée de chronique. Absolument. Et aujourd'hui, j'entends dire qu'on parle de prix Nobel. Ben oui, parce que le mois d'octobre, c'est le mois des prix Nobel pour tous ceux qui suivent ça ou ceux qui ont rêvé d'avoir un Nobel pendant leur enfance. Mm-hmm. C'est le mois de l'année. Et cette semaine, j'ai décidé de vous parler de quelques prix Nobel qui ont apporté vraiment beaucoup à la médecine ou certains prix Nobel qui sont rocambolesques. Après ça, je voulais vous parler d'une autre partie de prix Nobel que la plupart des gens ne connaissent pas. Ah, oh. Intéressant, j'ai très hâte. Je vais commencer par le prix Nobel de médecine et physiologie de 2005 qui a été attribué à deux chercheurs australiens pour avoir prouvé un lien de causalité entre une bactérie et l'ulcère gastrique. Pendant longtemps, on croyait que l'ulcère était juste à cause de l'acidité ou un déséquilibre entre acidité et ce qui est basique dans l'estomac. Mm-hmm. Et c'est pour ça que même avec les traitements, il y avait beaucoup de récidives. Ça récidivait, puis on ne comprenait pas pourquoi. Et à partir de 1980, il y a un chercheur, Robin Warren, qui y a pu découvrir qu'il y avait une bactérie dans l'estomac. Puis ça, ça a déjà bouleversé les connaissances parce qu'on croyait que, vous savez, que l'estomac est tellement acide, on dit c'est tellement acide que si tu mets un doigt dans l'estomac, ton doigt va fondre, on a rien de temps. Fait qu'on ça donne envie de l'essayer. C'est ça, t'sais. Pas besoin d'autant de doigts. Mmh. Ben oui. Mais il t'a besoin d'un estomac, par contre. Ah, c'est vrai. Merci de le rappeler. Donc, lui, il a prouvé qu'on disait, à cause de cette acidité-là, c'était impossible qu'une bactérie puisse survivre dans l'estomac. Mais lui, il avait prouvé le contraire avec des dissections. Puis, il a pu vraiment trouver qu'il y a bel et bien une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori qui demeure dans l'estomac. Bien sûr, la communauté médicale avait accueilli avec beaucoup, beaucoup de restrictions la nouvelle et il a fallu attendre son ami Barry Marshall, qui est aussi australien, pour démontrer le lien de causalité. Comment il a fait? Il s'est inoculé lui-même la bactérie. Ah, il est tombé malade lui-même, puis il s'est traité avec des antibiotiques. Et ça a prouvé une bonne fois pour toutes que 80% des ulcères d'estomac et 90% des ulcères du duodénum sont causés par l'Helicobacter pylori. Puis depuis 2000, ben depuis là, les antibiotiques font partie des traitements des ulcères et ça leur a valu un prix Nobel en 2005. Tu vois, mais est-ce que, faire ça pour la cause, ça peut valoir la peine. C'est ça, hein, mais cette bactérie-là, elle a dû changer beaucoup de choses qui se passaient du côté médecine malgré juste les ulcères. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, le fait de découvrir qu'on a une bactérie dans le... qui peut survivre dans l'estomac. Oui, dans exactement. L'acidité. Ça a dû changer beaucoup de traitements ou quoi que ce soit. En fait, le changement majeur, c'était dans le traitement des ulcères, mais ça a ouvert la porte d'autres recherches. Puis là, de plus en plus, on admet que plusieurs maladies peuvent être causées par des bactéries qui sont là, puis qu'on n'a pas mis en évidence. Ben oui, tu as raison, ça a juste ouvert la porte vers une nouvelle perspective d'investigation. Intéressant. Ouais. Oui. Et puis, cette année, le prix Nobel de médecine a été attribué à un chercheur japonais. Je vous épargne le nom, j'arrivais même pas à le prononcer. Imagine-nous. Pour ses travaux, pour comprendre la mort cellulaire. Vous savez, la plupart des prix Nobel, c'est pas des gens qui vont guérir le cancer ou guérir l'Alzheimer. C'est surtout des recherches fondamentales, c'est-à-dire des recherches qui aident à la compréhension de quelque chose. Ah, okay. Faut imaginer la découverte d'un traitement comme une maison avec plusieurs briques, puis chaque chercheur y apporte une brique. Mettons un chercheur qui parvient à comprendre le fonctionnement de la cellule, un autre qui parvient à comprendre le désordre de cette cellule impliqué dans la maladie, et ainsi de suite. Ensuite, on arrive à avoir une banque de données concernant une maladie ou un déséquilibre ou un fonctionnement quelconque pour pouvoir trouver des pistes thérapeutiques. Wow! Oh. Le seul bric que je connais, c'est celui qui t'offre de faire son plusieurs paiements là, par année. Pour, oui, Mathieu. Pour te spammer après. Tout à fait. Okay. Mais il y a aussi beaucoup d'histoires rocambolesques concernant les prix Nobel à travers le siècle. Je vous ai concocté quelques exemples. Par exemple, celui du bûcheron. Certains nobilisés ont donné leur personne pour la science, comme le chercheur qui s'était inoculé lui-même la bactérie pour le prouver. Eh bien, Warren Forsman, pour le moins convaincu de l'importance de ses recherches sur l'ancêtre du cathéter. Les cathéters, ce sont les tuyaux qu'on insère dans les veines, soit pour explorer un organe ou pour administrer des médicaments. Ben, en l'absence de cobaye, il s'est lui-même passé un petit tuyau de caoutchouc dans la veine du bras jusqu'à ce qu'il atteigne l'oreiller droit du cœur. Il a fallu faire du chercher-trouve ou du quelque chose de fort en même temps. Ce dispositif qui est très utilisé en médecine de nos jours afin d'explorer, comme je dis, les organes ou administrer directement un médicament, lui permet de remporter le prix Nobel en 1956. À l'époque, quand il a remporté le prix Nobel, il n'était plus médecin car il a perdu toute sa clientèle effrayée par ses travaux qui était devenue bûcheron depuis une dizaine d'années. Fait qu'imaginez, les clients disaient, regardez ce qu'il se fait à lui-même, fait qu'on ose à peine imaginer ce qu'il pourrait nous faire à nous. Mais il y a beaucoup de chercheurs hein, qui font ça, des scientifiques aussi qui vont eux-mêmes se faire les traitements pour voir ce que ça peut faire, mais au lieu d'avoir quelqu'un pour les faire. À place d'avoir peur, comme tu viens de dire, de, pour les patients qui y vont, moi, je serais quasiment reconnaissant qu'il fait au moins ça sur lui à place de faire ça sur moi. Ça, merci. Hein? Mais heureusement, pour la législation actuelle, personne n'a le droit de faire ça. Fait qu'avant d'essayer les traitements sur quelqu'un, il faut vraiment... le traitement clinique, je dirais, c'est le quatrième stade d'un médicament. Fait qu'il faut déjà trouver la molécule, faire des études, puis après, quand tu prouves que ta molécule, elle n'est pas dangereuse pour l'être humain, il faut faire des essais sur les animaux. Puis quand on prouve aussi que tous les essais étaient satisfaisants, qu'il n'y a pas eu d'effets secondaires ou de complications, c'est là que les essais cliniques sont autorisés. Fait que c'est très, très, très réglementé aujourd'hui, puis ça pourrait prendre une vingtaine d'années avant de, entre la découverte d'une molécule et le fait de faire des essais cliniques. Fait que là, c'est un prix Nobel de 1952, fait que ça remonte vraiment à longtemps. Ça remonte à une législation beaucoup plus lousse. C'était en noir et blanc, la radio. C'est ça. Exact. Il y a un Nobelisé qu'on appelait le boucher. En 1949, le jury récompense le Portugais Antonio Egas Moniz pour ses lobotomies de maladies mentaux. Je sais pas si vous avez vu le film Shutter Island avec Leonardo DiCaprio. Oui. Puis à la fin du film, on menaçait, de lobotomiser. Ah ouais. Vole pas le punch, là. J'ai... Ben là quelqu'un c'est vieux, ce film-là, Mathieu. Il faut que je le regarde. J'ai dit juste qu'en menaçait de le lobotomiser, okay. je te vole pas le punch. donc, en 1942, quand le prix Nobel a été attribué, plus de 5000 Américains ont été traités avec la même méthode du bon docteur. Mmh. Puis à quoi consiste cette méthode-là? Elle consiste à introduire, sans anesthésie, une fine spatule juste au-dessus du globe oculaire jusqu'à ce qu'elle touche le cerveau, puis d'un petit mouvement latéral, puis on enlève une partie du cerveau, ce qui est lobotomisé, c'est-à-dire enlever un lobe du cerveau, puis on croyait que ça pouvait soigner les malades mentaux. On fait ça par le... Je vous épargne les détails, mais maintenant on l'appelle le boucher, mais il fallait imaginer qu'en 1949, cette pratique était autorisée et ça a été même récompensé par un prix. Ça, il l'a dit fait sur lui-même. Ah non. Il était dans le miroir, genre. Quand tu prends tes os, je vais les prendre avec des bouts de cerveau dessus. J'imagine. Avec une législation lousse, c'est pas les cobayes qui manquent. Non, c'est c'était souvent les pénitenciers où on allait chercher sa clientèle, si je peux dire. Peut-être que lui, aujourd'hui, aurait été traité pour maladie mentale. Folie, on sait jamais. Ouais, c'est ça. Il y a un prix Nobel tardif. C'est-à-dire que la personne, elle a fait ses travaux puis longtemps après ça, elle se voit attribuer un prix Nobel. Là, je parle de Barbara McClintock, qui a finalement été récompensée en 1983 à l'âge canonique de 81 ans, soit après 40 ans après ses travaux. Elle s'était intéressée au gène sauteur. Et c'est vraiment un de mes coups de cœur parce que on avait accordé tout un cours, une séance de cours sur ça dans mon cours de génétique. Les gènes sauteurs, c'est des gènes vraiment extraordinaires qui peuvent changer de place dans l'ADN. Okay. Donc, c'est pas des gènes qui codent pour des protéines fonctionnelles, quelque chose vraiment... Une protéine fonctionnelle, c'est une protéine qui... Si tu n'as pas cette protéine, soit tu tombes malade, soit tu peux mourir, etc. Donc, ces gènes-là, ils ne codent pas pour des protéines de ce genre. Avez-vous remarqué... une fois, si vous avez acheté du maïs, avez-vous remarqué que peut-être il y avait des grains noirs? Ouais. Ben ça, on les doit aux gènes sauteurs. Ah. C'est des gènes qui se manifestent dans un endroit, puis à un moment donné, ils sont répressés, ils se manifestent plus, puis pouf, ils réapparaissent dans un autre endroit. C'est ce qui fait que dans le maïs, qui est d'ailleurs le modèle idéal pour l'étude de ces gènes-là, comme la fleur gueule de loup. C'est, Et le salami de gêne, je pense aussi, qui est un excellent exemple de gêne. Non, Mathieu, ça, c'est pour ton estomac, toi. Ah. Donc, ces travaux ont énormément apporté à la biologie, à la science, puis à la compréhension de notre patrimoine génétique, ainsi qu'à la compréhension de l'évolution. Puis je dirais que les gènes sauteurs n'ont pas encore livré tous leurs secrets, fait que ça a donné le la à une multitude de travaux. Wow. De ce côté-là, est-ce que, parce que elle a reçu quand même son prix Nobel 40 ans après, mais est-ce qu'on pourrait remettre un prix Nobel à quelqu'un qui est décédé pour ses travaux? Non, justement, le prix Nobel n'est pas décédé post-mortem. Il y a eu une seule exception, c'était en 2012, okay. Où le prix Nobel a été attribué à 3 chercheurs pour leurs travaux qui ont aidé à la compréhension des tumeurs cérébrales. Et un des 3 chercheurs, il était mort juste quelques semaines avant l'attribution du prix Nobel. Donc, c'était la seule exception parce que c'était un groupe. Et ce qui était triste, c'est qu'il était mort d'une tumeur cérébrale, C'est triste. Bon, moi, ils n'ont pas dit en présentant le prix, genre, on vous offre le prix à vous deux, mais pas le troisième parce qu'il est mort. Ça compte pas, c'est pas des règles. Mais c'est toujours outre la compensation monétaire qui frôle les 900 et quelques $1,000. Wow. Ça frôle $1 million, mais c'est plus le prestige d'être... C'est pas ça pour l'argent, là. Non, tu le fais pas pour l'argent. Parce que ça sont rares, les gens qui ont un prix Nobel, quand même. C'est un club sélect. Oui. Ouais. Puis l'argent, elle aide parce que ça va te permettre de continuer tes recherches. Exact. Ça va permettre de financer les recherches. Il y avait des prix Nobel qu'on a appelés de vénards. Vous savez, Alexandre Fleming qui avait oublié de refermer un échantillon de culture de bactéries. Parti en vacances, il découvre au retour de ses vacances que des staphylocoques, c'était la bactérie qu'il étudiait à l'époque, se réduisaient petit à petit sous l'effet d'une étrange toxine synthétisée par des moisissures pénicillium. Fait que, il avait oublié de fermer, sa boîte pétri. Il y avait du fromage à côté, puis... Il y avait un champignon qui s'est développé et autour de ce champignon-là, il n'y avait plus de bactéries. Fait que là, il avait compris que ce champignon contenait une molécule qui était capable de tuer les bactéries et c'est la fameuse molécule pénicilline qui a révolutionné la médecine, qui a révolutionné le traitement de plusieurs maladies comme le rhumatisme articulaire aigu, comme la gonococcie, comme la syphilis qui est maintenant traitée par la pénicilline. Jadis, c'était une maladie mortelle, mais maintenant, 3 doses de pénicilline, puis on est guéri. Donc, c'est vraiment... à l'époque, c'était considéré comme un médicament miracle, puis qui a été découvert fortuitement. Ouais, il l'a mangé sur un craquelin. Ouais, c'est ça. Puis il a compris, c'est ce que ça voulait dire. Et finalement, il y a des prix Nobel injustes. Certains prix n'ont pas été attribués à leurs vrais découvreurs. Ainsi, notamment, la streptomycine, qui est aussi un autre antibiotique à large spectre, puis on le donne pour les infections ou la pénicilline. Parce que, vous savez, les bactéries, elles réagissent pas tous de la même manière avec tous les antibiotiques. Un antibiotique, c'est une molécule qui attaque une composante de la bactérie. Fait que si la bactérie n'a pas cette composante-là, la molécule, elle est vaine, elle va pas la tuer. C'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs antibiotiques. Chacun attaque une composante particulière de la bactérie. Donc, la streptomycine, qui est aussi un antibiotique, elle a été isolée par Albert Schutz, l'assistant de Selman Waksman. On comprend. Selman, c'est, mettons, le professeur ou le responsable, et Albert Schutz, c'est son assistant. Ce dernier, Selman, n'a pas été bon joueur parce qu'il a tout simplement exclu le jeune Albert du travail présenté au jury du prix Nobel de physiologie ou médecine. À l'époque, maintenant on dit prix Nobel de médecine, mais à l'époque on appelait physiologie ou médecine, en 52. Schatz, donc, ne recevra aucune distinction et pire, il n'aura pas de droit sur les futurs brevets d'une molécule toujours utilisée par l'industrie pharmaceutique. Ah. Ça arrive souvent, hein, ça. Je pense que c'est en science aussi que c'était arrivé, quelque chose comme ça. Souvent, c'est les femmes qui se faisaient enlever leur frisure. Bien souvent, c'est ça, dans le temps, c'est les femmes qui travaillaient avec des hommes, elles se faisaient exclure des prix Nobel. C'est triste, puis comme tu dis, c'est encore utilisé aujourd'hui, donc il y aurait encore des redevances à sa famille, j'imagine, quelque chose comme ça. Oui, parce que... Oui. Énormément, parce que l'industrie pharmaceutique, en ce moment, c'est une industrie qui fait beaucoup, beaucoup d'argent. Je sais pas. Puis quand tu as... c'est pas péjoratif du tout. Non. Quand tu as une molécule et que tu as le brevet de cette molécule, tout médicament qui va être à base, cette molécule-là, fait que tu vas recevoir des droits sur... Il y a sûrement des dérivés après ça, des sous-branches de chaque médicament. Absolument, absolument. Mais c'est pour ça que les brevets sont très... Il y a eu une course au brevet parce qu'une fois que tu as tendance sur quelque chose, dans la moindre des choses que c'est utilisé, tu vas avoir des revenus. Et je ne sais pas si c'est pareil en médecine comme en technologie, mais en techno, c'est ça. Il y a des compagnies qui ne font que ça, essayer d'en forcer des brevets. Ils pognent des brevets, ils les achètent, puis après ça, ils poursuivent d'autres compagnies pour essayer de faire de l'argent là-dessus. En médecine et en biologie, c'est la même chose. Et c'est encore beaucoup plus compliqué. Imagine, tu es un étudiant au doctorat, par exemple, puis tu fais tes recherches, puis à un moment donné, tu as besoin d'utiliser une bactérie ou un vecteur ou quelque chose, mais ce que tu veux utiliser, il est déjà breveté. Donc, tu peux pas juste le prendre et l'utiliser. Il faut vraiment soit que tu demandes des autorisations ou que tu l'achètes, ou encore que tu essaies de découvrir un moyen pour contourner ça en créant ton propre brevet. Puis là, on parle d'une vie de recherche, pas de 4-5 ans de doctorat. Aïe, aïe! Cette année, c'est poussé, hein, celui qui a remporté le prix Nobel de médecine. Déjà, en partant, son nom est compliqué à dire. Là, on parle de Yoshinori Ushumi. Oui, exactement. Mais on parle d'autophagie. Est-ce que tu sais c'est quoi l'autophagie, non. Mathieu? Non. C'est comme s'auto-digérer. Wow! Oui. Ouais. Parce que quand la cellule meurt, on parle pas juste de mort cellulaire. Est-ce que c'est une mort par autophagie? Est-ce que la cellule s'est digérée elle-même? Dans ce cas-là, quand il y a eu un problème, il faut comprendre pourquoi et quels sont les signaux qui poussent la cellule à se digérer elle-même. On parle d'apoptose. Apoptose, c'est une mort cellulaire. C'est comme un suicide cellulaire. C'est quand il y a des signaux qui disent à la cellule, OK, maintenant, c'est le moment de mourir, c'est le moment de... Vous savez, on perd toujours... J'avais dit la première fois qu'on perdait des particules, puis que la peau se renouvelle, etc. Oui. Fait que là, c'est des phénomènes de mort cellulaire, c'est des phénomènes tout à fait naturels, mais les recherches sont toujours de mise pour comprendre vraiment les signaux qui vont pousser la cellule à se suicider. Et il y a la nécrose, c'est quand il y a... La nécrose, c'est pas naturel, c'est quand il y a un problème avec la cellule, comme dans le cas de gangrène, ou quand la cellule est infectée, par exemple, par des virus ou des bactéries, comme la bactérie mangeuse de chair, qui font qu'il y a une nécrose. Donc, c'est des phénomènes vraiment différents, et la compréhension de ces phénomènes, elle peut aider à la compréhension de certaines maladies, elle peut aider aussi, par exemple, la compréhension de l'apoptose a énormément apporté à l'étude du cancer, parce que justement, le cancer, c'est une cellule qui refuse de mourir. C'est des cellules qui ne peuvent pas se suicider. Elles contournent les signaux de l'apoptose. Donc, si on comprend le phénomène, on peut comprendre, dans le cas du cancer, comment la cellule, elle parvient à éviter ces signaux-là. Donc, c'est vraiment très, très, très, très poussé. Pour monsieur et madame, tout le monde, on dirait « Oui, mais moi, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que ça va m'apporter? » Mais comme je dis tout à l'heure, voyez-le comme une brique qui va aider à la compréhension d'un plus grand phénomène puis qui va ouvrir la porte vers de nouvelles thérapies. Ouais. Ben oui, justement, on parle que cette recherche-là est quand même cruciale parce qu'on va pouvoir comprendre le renouvellement des cellules, mais aussi on va pouvoir comprendre la faim puis les infections qui sont reliées à tout ça. Fait que quand tu dis que c'est une plus grosse image par rapport à ça, ben on va pouvoir finalement comprendre pourquoi il y en a certains qui filent pas quand ils ont faim. Mm-hmm. Tu sais, il y en a qui comprennent pas l'apoptose. Moi, je comprends pas l'apoptage. Comment ils font mettre la confiture dans la pâtisserie? Les petits trous. Les petits trous. Ça va. Les petits trous. Oh boy. Ça met fin à ma partie des Nobel que tout le monde connaît. Là, je vais vous parler des Ig Nobel. Ça veut dire ce que c'est? Non. C'est des recherches. Est-ce que ça a tué du monde, ça, les Ig Nobel? Non. C'est pas ça, c'est les Darwin. Est-ce que c'est ceux qui sont juste en dessous des prix Nobel? Ben oui, tu t'approches vraiment beaucoup. Okay. Ig Nobel, ça s'écrit Ig Nobel. C'est comme deux mots, comme ignoble et Nobel. Mm-hmm. Okay. C'est un prix pour récompenser les recherches soit ignobles, soit farfelues, ou les recherches qui tiennent pas la route. Et ça se fait pas n'importe où. Ça se fait quand même à l'Université Harvard aux États-Unis. Oh, okay. Fait que c'est quand même... C'est aussi reconnu par la communauté scientifique. Je pensais que c'était plus humoristique. Quelque chose, ça, c'est comme le prix Citron. Non. Ouais. Ça se passe à quelques jours des prix Nobel. Là, je vous ai concocté des exemples des Ig Nobel qui sont vraiment farfelus. Il y a une équipe japonaise en 2014 qui a eu le prix pour pour avoir mesuré la quantité de frottement entre une chaussure et une peau de banane, puis entre une peau de banane et le sol quand une personne marche sur une peau de banane, pour dire combien de frottement minimum as-tu besoin pour que tu glisses lorsque tu marches sur une peau de banane. C'est vrai, ça? Ben oui, c'est une recherche. Là, c'est que je vais, les recherches dont je vais parler, ce sont de vraies recherches qui ont été menées, puis il y en a même certaines qui ont été publiées dans de prestigieux journaux. Oh. Ils n'ont pas essayé de ils voir si... Ils ont reçu de l'argent, eux. Est-ce que tu peux t'enfarger sur une pelure de banane si t'as pas de souliers? C'est du pied. Ah, et ça, ça pourrait... Je sais pas. Prochaine recherche. Peut-être que l'adhérence est différente. Peut-être. Un autre prix qui a été ex-aequo entre Chine et Canada pour avoir essayé de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des gens qui voient le visage de Jésus dans un morceau de pain grillé. Ah, ça, je trouve que c'est une recherche qui vaut la peine. Une équipe australienne et le prix pour une équipe d'Australie et Royaume-Uni ainsi que les États-Unis pour avoir démontré que les gens qui se lèvent tard sont en moyenne plus narcissiques, plus manipulateurs et plus psychopathes que les personnes qui se lèvent tôt. On est correct, Mathieu. Ouais, nous, on va à l'encontre de notre naturel qui serait de se lever tard. C'est ça, oui. Ouais. Une équipe tchèque a été récompensée pour avoir collecté des données précises montrant que quand les chiens défèquent et urinent, ils préfèrent aligner leur corps le long de l'axe champ magnétique terrestre nord-sud. Oh. OK. En 2015, a été également récompensée une méthode de diagnostic originale pour diagnostiquer une appendicite. Ça, c'est vraiment... c'est fou. Franchir une brise-vitesse en voiture. Si le patient hurle, il y a des chances pour qu'il soit malade. Et ses travaux ont été publiés dans le British Journal. Non! Voyons donc. Oui, c'est vrai. British Medical Journal. Est-ce qu'il publie n'importe quoi ou bien... D'après moi, ils l'ont pas lu. Ouais. Cette année, le Ig Nobel de chimie... je sais que c'est médecine santé, mais celui-là, je pouvais pas m'empêcher de ne pas le mettre. Ne t'en fais pas avec ça. Ça a été décerné ironiquement à Volkswagen pour avoir falsifié les résultats des à propos de l'émission excessive de pollution par ses automobiles. Fait que je suis sûre que Volkswagen s'en serait passé, mais c'était... Oui, ils ont comme pas le choix de l'accepter. Ouais, hein, c'est pas besoin de plus de... Là, on verge sur quelqu'un qui est déjà à terre. C'est vie avec. Le Ig Nobel de médecine a été décerné à une recherche révolutionnaire. Une équipe allemande a trouvé que si ça nous pique, par exemple, la joue gauche, on n'a qu'à se regarder dans un miroir et se gratter la joue droite et par réflexion, comme on va sentir comme si on s'était gratté la joue Ah, comment gauche. Ça pour prouver ça? Wow! OK. C'est l'effet placebo. Ouais, peut-être. Et je finis par le Ig Nobel de biologie de cette année. Le monsieur a reçu son prix de manière remarquée en arrivant sur scène avec ses prothèses de chèvre de montagne. Il a gagné ce prix pour une étude où il a décrit comment il a passé quelques jours à vivre comme une chèvre, tranquille. Oh, wow! Ben, ça met fin à ma partie des prix Nobel et Ig Nobel, juste pour montrer que il y a pas que les recherches qui révolutionnent le monde, il y a aussi des chercheurs où on dirait que la stupidité humaine frôle le génie. Mais c'est qui paie ces recherches stupides-là? Ben, ça... Je connais pas le... Je sais pas comment ça se passe pour avoir des financements un peu partout dans le monde. Ça. Mais si t'as de l'argent et puis que tu es prête à financer tes propres recherches, ben écoute... Des financements privés, probablement. Oui, des financements privés. Y a personne qui va t'empêcher de le faire ça. Le gars a passé une annonce sur Kijiji. Peut-être que tu peux aussi l'amener d'une autre façon quand tu te présentes devant le panel. Oui, exactement, de façon beaucoup plus intelligente. <C'est ça. rire> Bref, c'était super intéressant, ça. Merci. Les prix Nobel et prix Ig Nobel. Merci à Sania Kouyi. Ben, merci à vous. On se retrouve à la semaine prochaine. Toujours les lundis, c'est à 8h qu'on se retrouve pour l'autre collègue du bus magique. Merci. Merci, bonne semaine. Bonne semaine. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. 89. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis en ce lundi 17 octobre 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. Oui. une émission frappante. Oui. Je pense. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Comment on ça? Frappe dans la science, la médecine. Exactement. Avec Alassania tantôt. Dans quelques instants, on va faire sport et philosophie avec toi, Tania. Ça aussi, ça frappe pas mal les bâtons, les balles. Mm-hmm. On a aussi Tania Esgonet et Tania qui vous frappe de plaisir. C'est comme une attaque. Bref, mais avant ça, une pièce de Creef qui nous fait traverser le Mississippi. Oh. C'est comme le jeu aussi. Là, c'est quoi oui, ça? Oui, il y a un jeu qui s'appelait ça, comme ça. Hein? Des rondelles que tu claques. Là. C'est ça? Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est ça. On va googler ça. Ouais. We'll be right back. Creef avec Mississippi à Assemblage Requis. Maintenant, c'est le moment de parler de sport. Voici Sport et Filoché. Avec Alex Marchand de la GEUQTR, il y avait eu le match d'hockey mercredi qui était, je pense, le premier match à domicile de la saison régulière de l'équipe des Patriotes hockey. On va faire un petit recap assez je ne vais pas dire très, très long, là, parce que ça a quand même été mercredi passé, puis on en a aussi discuté jeudi. Mais on le sait, les Pats ont gagné 7-2 contre l'Université d'Ottawa, qui sont des GGs de l'Université d'Ottawa. Je trouve ça drôle comme nom. Il y a quelque chose de kinky là-dedans. Oui, je sais. Hein? C'était le match d'ouverture, comme je le disais tout à l'heure, des Pats. Guillaume Asselin qui a réussi à faire 3 buts. Slate, un des nouveaux joueurs de l'équipe, qui est extrêmement grand, mais qui qui grand semble... comment? T'as-tu sa grandeur? Je sais pas, j'ai pas sa grandeur. Attends, là. Non, j'ai pas la grandeur. Ah, dommage. Malheureusement. Mais qui est un nouveau joueur qui semble avoir beaucoup de... Il est prometteur, très prometteur. Je l'ai vu rejouer aussi vendredi soir contre les gars des Ravens de Carlton, et c'est un grand assez, je veux pas dire robuste, mais tu sais, un meuble. C'est ça, exactement. Il est capable d'en déplacer. Je pense que c'est ce qui nous manquait peut-être un petit peu du côté des Patriotes UQTR. On le sait, nos joueurs sont pas extrêmement grands, extrêmement gros, et il y a plusieurs autres équipes où les gars sont très, très massifs et ils sont désavantagés parfois de ce côté-là pour l'équipe de l'université ici à Trois-Rivières. Donc, d'avoir un gars comme Slide, ça l'amène justement ce bon côté-là. Giroux aussi avait réussi à faire un autre but. Simard et Beaudoin ont été les compteurs du premier match à domicile des Patriotes de l'UQTR. Donc, victoire, je le répète, de 7-2. Mais quelques jours plus tard, ça a été le deuxième match à domicile. On jouait contre les Ravens de Carlton, comme je le disais. Et là, ça a été un petit peu plus difficile. Mathieu, on parle souvent de la rivalité McGill UQTR au hockey, dans d'autres sports aussi. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a une rivalité assez grande, Ravens, Carlton et UQTR des Patriotes, parce que les gars sont quasiment du même calibre. C'est arrivé à plusieurs reprises où on est allé en série contre eux aussi. C'est des gars qui savent extrêmement bien jouer, et lorsqu'on décide de monter sur la glace contre les Ravens de Carlton, il faut être prêt à travailler parce que c'est une excellente équipe. On a eu malheureusement une défaite de 5-1 contre l'équipe de Carlton. Le seul but qui a été scoré par les Patriotes UQTR a été un but de Martin Lefebvre, son premier de la saison, qui est le capitaine de l'équipe. Il faut faire une mention spéciale, je pense que je peux pas passer à côté de ça, pour le gardien de but des Ravens de Carlton. Je sais qu'en temps normal, c'est pas quelque chose que l'on fait, mais le gars était partout en même temps. Tu sais, on a perdu 5-1, mais on n'a pas mal joué. Ça a vraiment été une très, très belle rivalité tout le long du match. Ça a été un match serré. Les échanges étaient excellents. Par contre, c'est juste qu'ils ont réussi à percer notre défense beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de fois que nous, on a été capable de percer leur défense. Mais le gardien de but qui s'appelle Brassard, j'ai malheureusement pas son prénom parce que c'est le seul nom que j'ai vu dans son dos, mais... mention spéciale à ce gars-là. Je sais pas d'où il arrive, mais sérieusement, c'était comme un ninja, sa glace. C'est une pieuvre, un ninja. Il s'appelle Brassard, il y a plusieurs bras. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était assez impressionnant, et je pense que c'est ça aussi qui a ajouté à cette défaite-là, c'est que ça a été très, très difficile de pouvoir percer le gardien de Carlton. De son côté, il a très bien joué. De notre côté, on a échangé de gardien en troisième période, si je me souviens bien. Ça s'est bien passé par la suite. On le sait, on n'a pas encore Sébastien Auger dans les buts. Il est encore blessé de notre côté. Mais ça devrait revenir d'ici la fin du mois. Donc, on a très hâte de le revoir arriver. Il y a aussi Guillaume Asselin qui n'était pas présent sur la glace. Il semblait être dans les estrades, peut-être blessé. Je l'ai vu boiter après le match. Mais on espère que tout est correct de son côté, parce que Guillaume Asselin, c'est un excellent joueur qu'on veut avoir sur la glace pendant la saison régulière. régulière. On se rappelle, mercredi passé, 3 buts, je pense comme dans les 5 premières minutes du match. Donc, de ce côté-là, on espère que ça sera pas trop long avant qu'ils reviennent parmi nous sur la glace. Front rétablissement s'il y a quelque chose. Hein. Tout à fait. Vendredi, soccer féminin, défaite 2-0 contre McGill pour les filles. On le sait, on n'a pas le début de saison qu'on espère. Ouais. Par contre, hier, du côté du stade Gilles Boulet, ici à Trois-Rivières, les filles ont fait une victoire de 2-0 face au Concordia, aux Stingers de Concordia, la première victoire des filles de la saison. Et je te dirais, Mathieu, que le jeu a été amélioré de façon exceptionnelle en une semaine. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous-mêmes, dans les gradins, on était comme « OK, les filles sont d'attaque, sont agressives sur le ballon. » C'est ce qu'on voulait voir depuis le début de la saison. Mais quand tu perds tout le temps comme ça, moi, tu dois te dire comme « Bon, il faut faire quelque chose, on va se botter un peu. » Puis, tu sais, on a gagné, mais les filles de Concordia étaient solides, eux aussi. C'était pas un forfait. Ouais. Exactement. On s'entend que le jeu était égal de ce côté-là aussi. Valérie Noël, qui est une de nos attaquantes, s'est illustrée de façon exceptionnelle avec 2 buts, mais aussi en étant partout sur le terrain. Lorsque une de ses coéquipières avait besoin d'elle, elle se déplaçait, elle était là. Il y a plusieurs joueurs aussi, joueuses en fait, qui étaient blessées. Donc, certaines qu'on est habituées de voir sur le terrain n'étaient pas présentes sur le terrain. Ce qui nous a permis de voir de nouveaux visages, de nouvelles filles. Et je te dirais que c'est peut-être ça aussi qui a fait la différence. La communication sur le terrain depuis le début de la saison était peut-être un petit peu manquante entre certaines filles. Et là, ça l'a amené ça. On a été surpris de voir à quel point ça l'a super bien fonctionné dimanche, c'est-à-dire hier. Donc, on espère que ça va encore fonctionner. Jeudi, le 20 octobre, les filles vont recevoir l'équipe féminine de Bishops, parce qu'il n'y a pas d'équipe masculine au soccer du côté de Bishops. Donc, si jamais vous voulez pas manquer un match qui pourrait être excellent aussi du côté rivalité, Bishop UQTR, c'est semblable aussi en agressivité. Donc, allez faire un tour au stade Gilles Boulet, qui est le stade du séminaire Saint-Joseph. Ouais. Vous allez avoir quelque chose de très, très bon. Et on espère que de ce côté-là, les filles aussi vont avoir une deuxième victoire en saison. Ça serait vraiment le fun à voir. Saint-Joseph, c'est lequel? C'est celui qui est sur Saint-Maurice, proche? Proche de la caserne de pompiers, oui. Exactement, good. Merci. Yes. Ah, on est visuel, hein, ouais. Oui. Proche du super C et de l'église. Exactement, tu sais, le Tim Horton. C'est ça. L'ancien Dunkin. Ouais. Oui. Oui, tout à fait. Côté du soccer masculin, il est vendredi dernier, du côté de McGill, donc à Montréal, on a fait match nul, 0-0. Ça finit de même. Oui, je sais. Ah, ouais. C'est comme ça que ça fonctionne au soccer, je sais. Ça arrive même si personne gagne. Ben oui, tout à fait. On est deuxième au classement derrière l'Université Laval. Hier, par contre, les Patriotes se sont inclinés face à Concordia par la marque de 3-1. Bilal Xiar a été le seul marqueur de l'équipe. Prochain rendez-vous, c'est le dimanche 23 octobre. Présentement, notre fiche est de 4 victoires, 2 défaites et 3 nuls. Donc, on espère qu'on va pouvoir remonter notre nombre de victoires pour justement réégaliser. On se souvient, on était premier au classement pendant un bon bout. On espère pouvoir justement revenir au top du classement, mais ça devrait bien se passer. On continue à se croiser les doigts. Les gars travaillent très, très fort. Hier, malheureusement, l'entraîneur en chef n'était pas disponible sur le banc pour faire bouger ses joueurs. OK, les motiver. C'est ça. On se souvient qu'il y a quelques semaines, ça s'était battu après le match contre, si je me souviens bien, l'UQAM. Il y a eu quelques suspensions de joueurs. Donc, de ce côté-là, il nous manquait des joueurs clés, mais aussi l'entraîneur-chef, parce que lui aussi avait été suspendu à la suite de... Wow, OK. C'est quand même quelque chose. Mais donc, l'entraîneur-chef... cette petite querelle. Il était là la fois qu'il y avait eu les querelles. La querelle. Oui. Il était suspendu, fait qu'il n'était pas là. Mais il n'y a pas eu de querelle. Non, hier... Fait que le lien, c'était peut-être le monsieur. Non, c'est juste que dans la mêlée, il y a eu des cartons jaunes qui ont été donnés, cartons rouges, donc suspension de ce côté-là. Ce sont des choses qui arrivent au soccer. Oui, c'est divertissant. Je te dirais que ça bouge quasiment plus du côté soccer en agressivité que du côté hockey parfois. Est-ce que tu y vas souvent au hockey? J'y vais lorsque j'ai l'opportunité d'y aller quand j'anime pas au soccer. OK. Donc, je te dirais que j'en manque quelques-uns parce que ça arrive parfois... où ils vont jouer en même temps. Mais lorsque j'ai l'opportunité d'y aller, c'est sûr que je vais aller voir les Patriots. Eh bien. C'est une équipe gagnante. Ça fait des années que les Pats hockey jouent bien. Donc, de ce côté-là, c'est tout en fun d'aller encourager les siens. Voilà. Du côté du blizzard, eh bien, ça va pas super bien. Quatrième défaite de suite en saison régulière. Donc, le Blizzard de Trois-Rivières connaît quand même un début de saison assez difficile. On parle d'une quatrième défaite en autant de matchs. Cette fois-ci, on s'est incliné 7-5 contre les Éperviers de Sorel-Tracy hier devant 700 amateurs au Colisée de Trois-Rivières. Il y a des équipes qui ont beaucoup plus d'amateurs que ça à l'intérieur de leur aréna, mais est-ce que justement de ce côté-là, le nombre de défaites joue pas sur le nombre de personnes présentes? Sûrement. C'est sûr, puis je pense qu'on a de grandes attentes. Il y a eu de grandes annonces par rapport à l'équipe, par rapport aux nouveaux arrivants, et je crois que les amateurs demandent peut-être justement ces grandes attentes-là très, très, très rapidement. Il faut être capable aussi de faire la différence entre on commence la saison, puis ça fait déjà, je sais pas moi, 3 semaines qu'on est dans la saison, nos pions sont tous placés. C'est sûr qu'on est en début de saison, on va essayer de nouvelles choses. On a un nouveau coach, on a un nouveau dirigeant aussi des coachs. Donc de ce côté-là, il faut donner le temps à ceux qui viennent d'arriver de se placer, de voir comment est-ce que ça marche. J'ai comme l'impression que du côté des amateurs, oui, on espère que ça fonctionne extrêmement rapidement parce qu'on veut se ramasser dans les plus hauts classements du classement, mais c'est difficile. C'est une nouvelle saison, des nouveaux joueurs, ils n'ont pas tout le temps joué ensemble. Donc, de ce côté-là, il y a un temps d'adaptation à faire. Mais c'est le temps de faire les choses, patience. Oui, exactement. Je pense que si on y va avec la patience, s'il y a encore des changements à faire au sein de l'équipe, ça devrait être annoncé d'ici quelques jours. Je sais que la semaine dernière, il disait qu'il allait encore avoir des changements. Donc, de ce côté-là, on va garder ça de très, très près. Mais à la suite de ces changements-là, c'est sûr et certain que là, les gens vont avoir de grandes attentes aussi. Alors, de voir comment est-ce que ça va fonctionner, comment ça va se passer. Mmh. On espère au moins quelques victoires d'ici quelques matchs. Ouais. Et du côté de ton équipe préférée, Mathieu... Les considérations fruitées! Exactement! Oui! Enfin! Climatisation Cloutier. C'est ça que j'ai dit. Oh boy! Ça a été un match en dents de scie pour leur dernier match cette fin de semaine qui était sur la route à Waterloo. Donc, samedi soir, on a affronté les Maroons 2.0. Les derniers étaient à la recherche d'une première victoire cette saison, mais les finalistes des dernières séries éliminatoires attendaient donc les joueurs du Climatisation Cloutier. C'est de la misère à dire aussi. Hein? Oui, je sais. De pied ferme, on parle d'une première période qui n'a pas été trop enlevante. Ça a été plutôt une première période sans histoire. Par contre, une deuxième période qui a été à l'avantage de Waterloo et une ultime remontée de Climatisation Cloutier. On a terminé ça avec la marque de 5-1. Donc, 5-2, attendez. Je pense que c'est 5-2 si je me souviens bien. Mais sachez-le, si vous voulez voir un bon match d'hockey, vendredi soir, la Climatisation Cloutier va être du côté de l'aréna Jean-Guy Talbot, ici, à Trois-Rivières. Section 4 de la Madeleine, maintenant. Ouais. On peut plus dire au cap. Non. Mais, donc, ils vont être de retour au bercail, à la maison. Et ça va se battre, d'ailleurs, pour la première place au classement entre eux et les sportifs de Joliette. Donc, Joliette va être en ville, mais sachez-le, ça devrait être un match qui va être assez mouvementé et qui va être serré aussi parce qu'on parle des premières positions au classement. Donc, si jamais c'est un match qui vous intéresse. Si vous aimez ça aussi quand c'est robuste et féroce, c'est quelque chose que vous allez probablement aimer parce que, on le sait, la Ligue d'hockey senior A de la Mauricie, c'est une ligue qui se bat beaucoup plus que, par exemple, la Ligue nord-américaine. Donc, si vous êtes du genre à vouloir aller voir un match d'hockey et de voir deux gars se taper dessus, oh boy, vous allez aimer ça. Le Confédération Croûté. Confédération Croûté. Ah ouais? C'est ça? Le nom de l'équipe, c'est ça? Je sais pas. Je sais que du côté du cross-country, Patriot... Oh, parlant de croûté, cross-country, oui. Oui, les croûtes, je sais pas où tu as pogné... Cross-croûté. OK, oui, voilà. Parlant de... Oh boy. Parlant des Patriotes de l'UQTR, c'était en performance pour le cross-country. Par contre, on n'a pas encore les résultats. Donc, on devrait les avoir d'ici la fin de la journée. Sachez que demain matin, si jamais il y a quoi que ce soit, je vais vous lancer les résultats de notre équipe. Hors contexte, sur le majeur. Bloup! Oui, exact. Okay. Je vais juste dire que... Hey, en passant! C'est ça. Voilà! Génial! Merci, Tania! Ça fait plaisir! La chronique sport est filochée. On fait ça tous les lundis dorénavant. On a changé le jour, notez-le. Oui. Les lundis matin dans l'émission. Dans quelques instants, ce sera une deuxième partie de Tania. Ce sera Tania et Sganatutania. Mais avant ça, on écoute une pièce de Moussette. que voici avec insouciance à Assemblage requis sur C'est fou. 89 FM. C'est pas dans la mer, ni dans le ciel, dans l'insouciance de jeunesse. Avec insouciance, c'est une pièce que je pense que les auditeurs aiment bien entendre à Assemblage Requis de temps en temps. Si on se fie à David Ferron. Qui est venu nous voir en courant, c'est quoi ça? Exactement. Ah! Retour de la pause, Tania is gonna entertain you à Assemblage Requis. Assemblage Requis aujourd'hui. C'est fou. 89 heures. direct sur le web. Vous êtes à CIFOU. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à CIFOU. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Vous écoutez Assemblage Requiem ce lundi 17 octobre 2016 avec Tania Bolin. Et Mathieu Blanc. Dans quelques instants, Tania et Scanner Entertainment. On l'a dit, ça s'en vient. Ça fait trois fois qu'on dit que ça s'en vient. C'est plus tard, toujours plus tard. Parce qu'avant ça, c'est le moment de se renseigner un peu avec la première diffusion cette semaine d'un tout nouvel Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Une table ronde se tiendra le 1er novembre entre 19h et 20h30 au sujet de la course à la présidence des États-Unis. Trois conférenciers issus de divers milieux offriront une analyse sur la campagne électorale. Il s'agit des professeurs Francis Langlois, Luc Blanchette et Daniel Landry, respectivement spécialisés en histoire, psychologie et sociologie. L'activité organisée par l'UQTR, la Coopsco Trois-Rivières et l'Université de Trois-Rivières du Troisième Âge a lieu au 1200 pavillon Albert-Tessier à l'Université. Le Street Tour aura lieu le 24 novembre dès 20h au local 10-12 du pavillon Néré-Beauchemin de l'UQTR. Ce spectacle réunit les rappeurs des groupes Brown et Dalla Claire Ensemble en plus de Corias. Les billets sont de 20$ pour les étudiants et de 25$ pour les non-étudiants. Pour vous procurer vos billets, allez sur lepointdevente.com. Le public est appelé à participer à une recherche portant sur les traces de l'ADN. Les participants doivent remplir un questionnaire de généalogie et fournir un échantillon buccal. L'anonymat des données est respecté. Les résultats serviront notamment pour le domaine judiciaire médical. À la fin de l'année, un prix de 300$ sera tiré parmi tous les participants. Pour s'y inscrire, contactez Audrey, A-U-D-R-E-E, .garreau, G-A-R-E-A-U, tridunionleonard@uqtr.ca. L'accueil Bono de Montréal a décerné le prix Monique Sicard aux étudiants et professeurs du département de podiatrie de l'UQTR. Ce prix a été remis en raison de l'implication du département auprès des itinérants fréquentant l'accueil Bono. Deux autres cliniques de soins ont été instaurées à Québec et à Trois-Rivières. Félicitations au département de podiatrie. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. C'était l'Info Campus avec Tania Baudin, T-A-N-Y-A-B-A-I-D-I-N, écrit par David Ferron, D-A-V-I-D, F-E-R-R-O-N, rédacteur en chef du journal Zone Campus. On retrouve ça tous les matins, deux fois par matin dans l'assemblage requis, ainsi que sur l'heure du midi. Tous les jours sur C'est Fou, 80 FM. On l'a dit tantôt trois fois. Alors, on est rendu à la quatrième. C'est la quatrième, mais là, ça va être la bonne. Ah ouais? Je peux te le garantir. OK. C'est le moment de parler avec Tania. On fait d'entendre parler, Tania, de choses très divertissantes. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do the And she's gonna do the Hey! Hello! Bon matin! Salut, Tania! Je pense qu'on est rendu en forme, là. Ouais, je pense que... Dernière demi-heure d'émission, c'est là que ça se passe. C'est ça, on se réveille, là. Donc, Tania, aujourd'hui, tu m'as dit que tu parlais de plusieurs choses dont tu as déjà parlé, mais replacées ensemble dans un tout. Oui, exactement, parce qu'on a déjà discuté des médias sociaux. On a déjà discuté du marketing et de la fibre entrepreneuriale que les Québécois et la génération d'aujourd'hui a beaucoup développé. Et on a déjà parlé aussi de la génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire les milléniaux. Mais on n'en a jamais vraiment discuté de façon rapprochée, tout le monde ensemble dans le même petit coin. OK, OK, oui, oui, oui. C'est ça. C'est ça que je fais aujourd'hui. Ouais. Oui. En fait, je vais vous parler des milléniaux. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est pour les gens qui connaissent pas qu'est-ce que sont les milléniaux. J'ai aussi discuté des entreprises du côté marketing parce que c'est une grosse discussion présentement à savoir comment est-ce qu'on peut garder ces fameux milléniaux-là au sein de certaines entreprises. Et aussi les médias sociaux. Qu'est-ce que ça vient faire dans tout ça et qu'est-ce que ça peut changer aussi. Donc, j'ai comme décidé de vous faire un mash-up de tout ce que j'ai déjà discuté, mais dans la même chronique parce que je l'avais jamais fait. Je sais pas trop où ça s'en va, j'ai bien hâte de voir ça. Exactement. Bien, sachez-le pour ceux qui sont pas encore au courant, d'après William Strauss et Neil Howey, qui ont inventé le terme milléniaux, eh bien... C'est leur faute, ça. Oui, c'est à cause d'eux. Si vous voulez lancer des roches à quelqu'un, c'est à ces deux hommes-là, voilà. Donc, les milléniaux, en fait, se réfèrent aux gens qui sont nés en 1982 et 2004. C'est les bébés, c'est des brebis aussi, je pense, les milléniaux, un petit agneau. C'est pour ceux qui se posent la question, en fait, c'est comme les générations après les baby boomers. Ouais. Donc, selon cette définition-là, les milléniaux auraient entre 11 et 33 ans. Oui, qui... je suis dedans, encore! Oui, t'es encore dedans, yeah. Mathieu. Ce qui représente au Québec 2,25 millions de personnes. On s'entend que il y a 2,25 millions de personnes qui se trouvent dans cette tranche d'âge ici au Québec. Ça fait beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de gens que l'on veut avoir de notre côté, surtout parce que ce sont eux, apparemment. Ce sont nous, apparemment, qui peuvent changer beaucoup de choses. Mais là mettons, là, c'est présentement, c'est jusqu'à 33 ans. Mettons, même que j'aille 34, mettons, là. Oui. Mais je le serai plus. Les dates doivent changer. Mais attends. Parce que là, ça, c'est selon eux. C'est né entre telle année, plus, non? Exactement. On parle des milléniaux qui pourraient être aussi entre 1980 et 2000. Bon, ça marche mieux, ça. Ils ont, en théorie, entre 19 et 36 ans. Tout à l'heure, je vous ai dit 11 et 33. Tu sais, ça va dépendre de qui regarde, qui a fait les recherches. Faut mettre une date, faut mettre une ligne dans le sable à un moment donné. Exactement. 1980, ça sonne vrai. T'sais? C'est ça. Donc, aux États-Unis, tout à l'heure, on parlait ici au Québec, 2,25 millions, mais aux États-Unis, c'est 76,6 millions. C'est, hein? Aïe. On est plus nombreux que les baby boomers. Yeah! Sachez-le. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore comment observer ou reconnaître quelqu'un qui fait partie de ce groupe de génération, bien souvent, il va posséder un iPhone, un ordinateur portable, un iPod... Et une tablette. Un iPod. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là-dedans. C'est bizarre. Mais bon. Bien souvent, ils vont pas posséder de télévision, à moins que ce ne soit pour des jeux vidéo ou Netflix. Ça, c'est pour la portion beaucoup plus jeune des milléniaux, ça. Oui, c'est vrai. C'est pour ceux qui sont plus récents là-dedans. Oui, c'est vrai, parce que je te dirais que notre génération, on veut encore s'attacher à la télévision pour tout ce qui est nouvelle. Même si c'est pas pour avoir la télévision, on a besoin d'en avoir une pour filer Internet dedans. Exactement, de sinon ça fonctionne pas. Principale source d'information, sachez-le, Twitter, non, okay. Facebook, Tumblr. Tumblr, c'est pas une source d'information. Non, mais c'est une source si tu veux te faire traiter comme si t'étais un petit flocon de neige important. Ah, c'est ça, tout les le monde blogs, est tellement important, c'est exactement. Ça. Exactement. Ouais. C'est, bon, du lichage d'égo. C'est pas mal ça. Et on est la génération la plus éduquée. Ah, quand même. Parce qu'on a justement tellement de sources d'informations. T'as raison. Que les milléniaux, présentement, sont A, plus nombreux que les baby boomers, mais deux, plus éduqués que les générations avant eux. Ça veut pas dire qu'ils ont plus de diplômes, ça veut dire qu'ils connaissent plus de choses. Exactement. Je comprends. Ouais. Non, pas plus de diplômes, parce que bien souvent, on va justement peut-être faire moins d'études. Oui, pour aller vivre la vie. Oui. Sachez que les valeurs aussi ont changé depuis certaines générations. Avant, les baby boomers étaient beaucoup plus axés sur la justice, l'intégrité, la famille, le devoir. Il y en a qui l'ont encore, là, sachez-le. Tu sais, c'est pas disparu comme ça, pouf, ben, là. Sur les Tumblr, d'ailleurs. Les Tumblr, on les appelle les SJW pour les Social Justice Warriors. Et voilà. Ceux qui sont, mais là, les valeurs des milléniaux auraient beaucoup changé. Ça serait beaucoup plus la joie, la passion, la diversité des choses, la générosité et le goût de l'aventure. Ah ouais. Quelque chose que l'on voit si vous allez sur Tumblr ou Pinterest. C'est que ça. Tout le temps. C'est de toujours être heureux, de toujours être passionné, d'être différent de tout le monde. Oui. C'est un petit peu, en fait, comment on peut reconnaître aussi ces fameux milléniaux-là, parce que ce sont des groupes, un groupe, en fait, très, très hétéroclite. Qu'est-ce que c'est? C'est que c'est assez difficile de dire qu'on peut mettre tous les milléniaux dans la même case. Parce qu'ils sont tellement différents, justement. Ils ont tellement de diversité entre eux et tellement de projets différents que c'est difficile de juger les gens qui sont dans la même tranche, c'est-à-dire les milléniaux, de la même façon, parce qu'ils sont justement tellement hétéroclites que ça en devient difficile. Tu regardes juste nous autres, on est supposés être des milléniaux et je me sens pas du tout interpellé par ce que tu décris là. Je sais, c'est parce qu'on est comme quasiment vers la non, fin. Non. Moi plus que toi, mettons. Ben ouais. T'es vraiment en plein dedans, en fait. En plein dedans. Ouais, quasiment. Ouais. Mais c'est ça, on n'est pas de même. C'est ça, c'est... Mais c'est hétéroclite. Oui, et sachez-le, Ces jeunes-là ont une importance pour le marketing parce ouais. que en gardant des considérations à l'esprit, il est tout de même important pour quelqu'un qui va œuvrer du monde du marketing de viser les jeunes en général. Mais plusieurs habitudes de consommation vont s'établir face à l'étape de vie des milléniaux aujourd'hui. Donc, c'est aussi le moment où se forment les premières impressions des marques. Règle générale, un client fidélisé à 20 ans vaut bien mieux qu'un client fidélisé à 50 ans parce que tu oui. vas l'avoir pendant beaucoup plus de temps. Donc, de ce côté-là, de viser ces jeunes-là, c'est quelque chose que les entreprises doivent faire présentement. Selon Catherine Légaré, qui est présidente fondatrice d'Academos, l'intérêt pour les milléniaux vient notamment des caractéristiques que toute génération rencontre. C'est-à-dire, il vient du fait que cette tranche d'âge commence à avoir de l'argent. Elle développe un pouvoir d'achat assez intéressant, merci. Et certains d'entre eux sont dans la période où ils commencent à avoir de bons emplois, des enfants, acheter des maisons, ils font leur épicerie. Ils voyagent, ils ont d'importantes décisions financières à prendre et là, j'en passe d'autres. Donc, on n'a pas le choix de s'intéresser à cette fameuse génération-là qui fait tant parler aujourd'hui de façon marketing. C'est un groupe qui se distingue beaucoup, beaucoup aussi parce qu'au-delà de la jeunesse, tu sais, on le sait, quand t'es jeune, là, c'est pas ce correct, mais quand tu tombes dans la tranche milléniaux, tu tombes dans la tranche de ceux qui peuvent changer beaucoup de choses, c'est-à-dire pouvoir d'achat. Les milléniaux ont des particularités qui font en sorte que les gens qui travaillent dans le marketing doivent se pencher sur leurs préférences. C'est-à-dire que les gens qui travaillent en marketing ont compris que le comportement de ces gens-là et leur vision du monde sont très différents de ceux des générations précédentes. Donc, on fait face à un changement des valeurs fondamentales et on n'a pas le choix de se questionner sur la façon d'aborder les gens de cette génération-là. Donc, tout change du côté du marketing parce qu'on parle à un groupe qui s'exprime, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense parce que justement, il est informé, il connaît beaucoup de choses. Donc, c'est par exemple, au Québec, lors du printemps érable, bien, les jeunes se sont mobilisés non seulement pour l'éducation, mais pour un spectre des valeurs sociales aussi. Ça faisait longtemps que la province n'avait pas vu des jeunes qui s'engageaient comme ça. Donc, on voit cette espèce de désir de s'exprimer-là, devenir de plus en plus grand face à cette génération-là. Donc, les gens qui travaillent dans des entreprises depuis plusieurs années, qui, eux, sont peut-être justement dans cette tranche 50-55, doivent faire des changements par rapport à leur marketing. Et on parle aussi d'une génération qui est extrêmement technologique. Ouais. Donc, tout ce qui se passe sur Internet, tout ce qui se passe sur Google, on s'entend, Google a été fondé en 1998, Facebook en 2004, iPhone 2007, Snapchat 2011. On s'entend-tu que t'as quand même pas le choix d'y aller de façon technologique aussi. Donc, plusieurs disent que c'est leur confort avec la technologie qui distingue ce fameux groupe d'âge des autres groupes d'âge. C'est de ce fait, c'est eux qui sont les mieux outillés pour partager leur point de vue sur un produit ou ben, créer ça. Du bouche à oreille. Je pense que ça fait non seulement ça affecte le marketing, mais ça affecte ceux qui font les produits aussi, parce que si le produit est mauvais, tu vas en entendre parler, puis ça va vraiment faire... les hashtags vont se faire aller, tout le monde va en parler, oui. va parler contre. Donc, tu peux pas faire quelque chose... On dirait que la barre est plus haute. C'est vrai. Avec les jeunes, les milléniaux. Faut que ton produit soit... Ça accouche. Tout à fait. Ouais. Et on a souvent entendu parler, en fait, des milléniaux comme des gens qui étaient, je veux pas dire irresponsables, mais égoïstes. Des gens qui avaient pas la valeur. Tu sais, dans le temps, t'allais dans une compagnie, tu restais là pendant 20 ans. Oui, la loyauté. La loyauté, exactement. Qui étaient pas nécessairement loyaux. On le voit aussi dans les relations de couple. Il ouais. Y a un problème face à ça aussi par rapport aux entreprises qui veulent pas nécessairement faire ce bond-là vers cette génération-là. C'est que il y a des points pour retenir les milléniaux au sein de votre entreprise, sachez-le. Entre autres, j'en ai trouvé 4 pour les retenir si jamais vous voulez qu'ils travaillent pour vous. Selon Isabelle Bédard, qui est une spécialiste de la génération, retenir les milléniaux à son emploi passe par 4 points très importants. L'intégration, c'est-à-dire qu'on va opter pour les rapprochements entre les employés, l'encadrement, le jumelage avec des gens, l'apprentissage par expérimentation, des formations qui vont être courtes, mais extrêmement détaillées. On le sait, ça va être la troisième fois que je le dis, là, ce sont la génération qui est le plus informée. Donc, si vous faites des formations courtes et détaillées, ça va aller directement au point, c'est ça qu'ils veulent. Deuxième point, c'est l'organisation du travail. On propose le télétravail et des horaires flexible. La génération des milléniaux, c'est la génération justement qui, après un an, veut être capable d'aller voyager. Mais ça, je pense que ça durera pas nécessairement. Je pense pas que les employeurs vont laisser passer ça. L'histoire de présenter au travail quand ça tente, là, jamais être au bureau, là. Non, c'est sûr. Ça fait son temps. Mais ça, ben ça dépend, parce que ça va changer. Ça va nécessairement changer, il faut s'adapter. Dans pas long, les dirigeants vont être les milléniaux. Ouais, non, je comprends. Donc, ça va tout le temps être une roue qui va revenir. C'est comme quand les baby boomers se faisaient engager. Mais là, c'est rendu les baby boomers qui sont les dirigeants, mais ça va être les milléniaux dans pas long. Dans les bureaux, il n'y aura plus jamais aucun employé. Tout le monde va être chez eux à chiller bien raide. Non, mais ça ne veut pas dire, mais tu vois, comme exemple, l'autre jour, on parlait de air ouverte. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, ou tout simplement de faire beaucoup de travail sur la route, de travail à la maison, mais de toujours se rapporter à quelqu'un, à son boss. Mm-hmm. C'est quelque chose que les milléniaux veulent. Ouais. Donc, on parle de réunions qui sont courtes et extrêmement dynamiques. La hiérarchie qui va être allégée aussi. On a recours aux technologies beaucoup dans l'environnement de travail. Donc, c'est le deuxième point que ça vous prend si vous voulez garder la génération d'aujourd'hui dans vos entreprises. Le troisième point, c'est la mobilisation. On propose des défis à relever. Les jeunes d'aujourd'hui fonctionnent par défi. On met l'accent sur le travail d'équipe, les relations de confiance, mais un bon climat de travail et d'équité. C'est comme ça qu'on va pouvoir être capable de garder ces jeunes-là au sein de notre entreprise. C'est qu'on va toujours être capable de leur donner un nouveau défi à relever. Ouais. Ça va tout le temps être différent. Ils veulent pas qu'il y ait quelque chose qui va être routinier, comme exemple la génération voulait avant du 9 à 5, pour pouvoir aller à la maison par la suite avec la famille. Ça change beaucoup. Les valeurs ont changé beaucoup. Donc, tu penses que les patrons, mettons, qui se tapaient du 90 heures par semaine, tout ça, mais qui vont devenir plus tard des milléniaux dans ces postes-là, tu penses que ça va faire une génération de boss qui va être beaucoup plus, genre, permissif, puis lousse? Je sais pas, honnêtement, je pense pas. J'ai des doutes contre ça, moi, il me semble. Non, moi, je pense plus qu'on va partir vers l'ère de notre propre boss tout le temps. Okay. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aussi. Les gens... vloggers, youtubers, etc. Exactement. On est dans l'ère de be your own boss. Ouais. Ça va vraiment tourner comme ça, j'ai l'impression. Puis il va y avoir beaucoup de développement de technologie ou de développement d'entreprise qui va se faire basé là-dessus. Et la reconnaissance aussi est un point extrêmement important pour les milléniaux. C'est-à-dire qu'on veut miser sur la rétroaction immédiate. On veut souligner les bons coups, la rémunération qui va être axée sur la contribution plutôt que l'ancienneté. Ouais. Ça, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup. C'est juste avec, par exemple, les entreprises comme Enterprise National. Il y en a plusieurs qui sont axés comme ça. C'est si tu réussis à faire tant, bien, on va te donner un bonus. T'sais, les fameux bonus vont fonctionner comme ça beaucoup plus que l'ancienneté. On parlait de loyauté tout à l'heure. Mm-hmm. C'est rare qu'on va rester encore 20 ans dans une compagnie. On va rester là pour les défis à relever ou quoi que ce soit. Les gens le faisaient avant pour la loyauté envers les boss. Parce que, je sais pas moi, le père connaissait le père de l'autre ou le père connaissait le boss. De cette façon-là, on restait loyal. Mais ça change beaucoup. Même aujourd'hui, ça change aussi face aux boss. Les boss vont dire, je te dois rien, tu me dois rien. Ouais. Je te donne un chèque de paye, that's it. Mm-hmm. On n'est pas chummy. Mais là, ça va changer avec l'ère des milléniaux. C'est qu'il va y avoir justement cette fameuse complexité-là et cette fameuse contribution qui va être basée beaucoup plus sur les bonus que sur les gens qui vont rester là extrêmement longtemps. Ouais. Ouais, je sais. T'es pas très d'accord. Pas tout à fait, non. Non, comment ça? Je sais pas, je trouve ça. Tu sais, on dirait qu'il y a toute l'heure. T'es vraiment vers la fin, hein? Ouais, mais tu sais, tout l'heure est dû. C'est tout le temps, genre, il faut tout le temps être reconnaissant de tout, puis genre. C'est vrai. J'aime pas ça. C'est vrai. C'est quoi, qu'on dit, t'es donc bien bon, t'es donc bien fin, t'as donc bien fait de la bonne job, voici un bonus, même si tu viens juste d'arriver. T'es beau, t'es belle, t'es capable, continue. J'aime pas ça. Je sais. Ouais. Mais c'est parce que ça fait beaucoup, ça amène, on en a déjà discuté, toi et moi, beaucoup de victimisation, ça amène beaucoup de gens qui sont « me, myself and I », mais « me, myself and I » différent. C'est ça, c'est que là, ça va jouer beaucoup sur « ok, mais... » Tu me démontres absolument rien. Donc, de ce côté-là, je suis pas en désaccord avec toi, Mathieu. Ouais. Je suis pas en désaccord avec toi, sache-le. En fait. Ouais. Mais par contre, ça amène beaucoup de choses. On se souvient, par exemple, dans les entreprises, avant, on avait les systèmes d'informatique qui étaient basés de façon très, très générique. Exemple, courriel, c'était Outlook. Tu sais, il n'y avait pas extrêmement de choix par rapport à tout ça, mais justement, cette génération-là des milléniaux amène de nouvelles technologies, de nouvelles applications de messagerie qui menacent le courriel en entreprise présentement. Donc, on s'entend que le courriel va se retrouver sous la menace de nouvelles applications de messagerie pour la communication interne des entreprises aujourd'hui. C'est ce que les milléniaux veulent. Ouais, c'est ce que... tu parles de Slack, en fait. Au moins, c'est cool, ça, Slack, quand même, faut le dire. Ben, je te dirais que je connaissais pas nécessairement ça. Parce qu'on est dans une très petite entreprise, on peut aller se parler en personne, on n'a pas besoin de Slack. Mais dans une entreprise de plus que peut-être 20 employés, tu veux avoir un petit chat à l'interne sans avoir à te déplacer, tu sais. Ben, comment est-ce que ça fonctionne, en fait? C'est que c'est l'outil de collaboration de la génération Facebook, Twitter, exactement. Donc, Slack, ça propose une nouvelle manière de travailler en groupe en temps réel. Donc, d'après les derniers baromètres, Slack se hisse en tête des applications SaaS à plus forte croissance en termes d'adoption au deuxième semestre, et ça, c'était en 2015. Au dernier pointage, l'outil de collaboration temps réel, ou le Team Messaging en anglais, compte 3 millions d'utilisateurs actifs quotidiens à travers le monde. On parle de l'acronyme Slack, qui est Searchable Lock of All Conversation and Knowledge. Ah ben là, tu viens de m'apprendre que c'est un acronyme, je ne savais pas. C'est un acronyme. Merci Tania, bravo! Hey, là, je me sens intelligente. C'est j'ai appris cool. quoi en techno, hein, Mathieu? Et ça peut se traduire aussi par accessibilité à toutes les conversations et connaissances. C'est exactement ce que la génération d'aujourd'hui veut. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est Slack? C'est la mise en place. Donc, l'inscription sur Slack, c'est totalement gratuit. Le service impose que la saisie d'une adresse email valide pour créer un premier groupe de travail. Dès l'inscription, Slack va demander au nouvel utilisateur de créer un groupe de travail auquel il attribue une URL. Exemple, je sais pas moi, journaldunet.slack.com, par exemple, et il est ensuite demandé si on veut restreindre les adresses par rapport aux futurs membres à un nom ou à un domaine, comme si jamais il y a des employés qui s'en vont ou quoi que ce soit, vous allez être capable de gérer le tout. Donc, c'est un outil gratuit dans certaines limites, sachez-le. Slack, ça va ensuite envoyer des invitations à l'ensemble des adresses e-mail que le créateur du groupe de travail va lui soumettre. Il reste à choisir son nom de connexion, un mot de passe, puis le groupe de travail est pleinement opérationnel. Donc, vous pouvez le faire, tu sais, on parlait d'air ouverte, c'est un petit peu la même chose, mais sur votre ordinateur. Pour vrai, moi, je compare ça vraiment à un genre de Facebook Messenger sans les distractions. Ouais. Tu sais. Ouais. Tu peux t'envoyer des photos, tu peux t'envoyer plein de trucs, tu as des plugins qui vont avec ça. Ben c'est aussi une app qui va se connecter par exemple à iOS, Android ou Windows. Donc Slack a aussi développé une application pour Windows mobile. Ça arrête pas de s'améliorer du côté de la messagerie face à Slack. Ça intègre des boutons à son chat. Par la suite, on a la startup qui a annoncé un plancher, une offre taillée pour les entreprises. On permet d'unifier de multiples équipes via un annuaire unique, de suivre leur activité. Donc, vous pouvez suivre l'activité des gens qui vont travailler pour vous, appliquer une politique de sécurité coordonnée. Vous pouvez aussi avoir une évolution annoncée, c'est-à-dire, exemple, l'intégration du messaging thématique pour commenter, par exemple, un message qui a été posté par votre boss. Vous allez être capable de commenter tout ça par rapport à tout le monde qui travaille à ce projet-là. Même chose pour l'éditeur qui va avoir publié une feuille de route. Tu sais, c'est quasiment un gros groupe chat. Oui, ben c'est ça. Ouais, puis c'est mélangé avec un forum puis Facebook. Exactement. Mais là, il y a quelques jours, Slack va peut-être connaître des temps plus difficiles parce que c'est la venue de Workplace. Oui, de Facebook, ça. Exactement. Ouais. C'est Facebook qui compte lui aussi conquérir les entreprises. Ça devait se faire. Le côté marketing. Donc, le 10 octobre 2016, Facebook a lancé officiellement Workplace. C'est-à-dire une version dédiée aux entreprises, mais de Facebook. Et qui n'est pas attachée à ton compte. Tu peux vraiment avoir un Facebook Workplace sans avoir de Facebook en tant que tel. Ouais. Et l'interface est tellement familière. Mais tu parlais de Messenger tout à l'heure. Ouais. C'est exactement la même chose. Mais de façon entrepreneuriale. Donc, le réseau social va se positionner ainsi sur réseaux sociaux enterprise. Mm-hmm. Ça va vraiment rentrer dans dans le domaine du marketing, dans le domaine des entreprises, ça va être beaucoup plus facile à travailler. Donc, c'est en bêta test depuis 2015. La nouvelle déclinaison a pour but de connecter tous les collaborateurs de l'entreprise et de les aider à mieux communiquer. Avant, ça s'appelait Facebook at Work. Maintenant, c'est Workplace. Ils ont vraiment changé le nom. Mais la firme de Mark Zuckerberg a vraiment bien compris l'intérêt d'utiliser ce genre d'outils de collaboration pour le milieu de travail. On compte concurrencer les réseaux sociaux existants comme Slack en lançant un prix agressif. Oui, c'est ça, c'est payant. Oui, oui. Facebook at Work, désormais nommé Workplace, compte bien s'infiltrer dans toutes les entreprises. C'est disponible dans plus de 100 langues, donc le Facebook Pro espère mieux coller à la philosophie du produit, c'est-à-dire l'image d'une plateforme conçue pour connecter les collaborateurs d'une entreprise et les aider à mieux communiquer ensemble à l'intérieur du même groupe. Je le disais tout à l'heure, c'était en test depuis 2015 dans plus d'un millier d'entreprises, dont certains du travel, comme exemple les Club Med ou Booking.com. Facebook compte bien connecter des centaines de millions d'employés, y compris ceux qui n'ont pas d'email. Donc, ça vous prend pas nécessairement un email pour y aller avec ça. J'ai malheureusement pas les prix par rapport à Workplace. Mais c'est plus pour les entreprises qui ont un budget, probablement. Oui. Je pense que les petites entreprises, pour l'instant, ça va continuer à être sur Slack parce que c'est gratuit. Ah, je l'ai. Mais ça va tomber éventuellement, vas-y. On parle du prix de l'abonnement qui n'a pas encore été communiqué en euros, mais du côté du dollar, ça a été fixé à 3 $ par mois jusqu'à 1 millier d'utilisateurs actifs. Ouais. Par la suite, il y a un tarif dégressif selon le nombre d'utilisateurs. On s'entend 3 $ par mois. Je pense qu'il n'y a pas grande compagnie qui n'est pas capable de payer ça pour justement amener cette fonctionnalité-là au sein de leur équipe. La plupart du temps, c'est ce que les entreprises vont vouloir. C'est comme ça que ça va s'en aller aussi. Ça va beaucoup jouer sur ce domaine-là au sein des entreprises, des commerces, point. Si tu veux rejoindre ton nombre d'employés, bien souvent, ça va être par les médias sociaux que tu vas être capable c'est de le faire. C'est plus une lettre de nouvelles comme c'était par le passé. Boy, le babillard là, de la chambre des employés. On là. Avait ça avant, une petite lettre de même. Ça joue plus trop dans ce coin-là. J'allais dire que Slack va peut-être devoir se trouver un autre marché s'ils veulent continuer. À la place de focusser sur les compagnies, peut-être focusser sur les groupes en tant que tel. Parce que Slack, t'es pas obligé d'être une compagnie, tu peux être juste un groupe d'amis puis avoir un Slack aussi. Donc peut-être qu'ils vont focusser là-dessus, alors que Facebook à Workplace, ça va être vraiment pour les compagnies bureaux. Je sais pas, on verra. Mais ça reste à voir, parce que, encore une fois, ça va changer selon les personnes qui vont l'utiliser. Ouais. Moi, j'ai comme l'impression que plus ça va avancer, plus les dirigeants vont devenir justement ces milléniaux-là. Ouais. Donc, c'est quelque chose dans lequel on n'aura pas le choix de fonctionner. Et certains baby-boomers vont encore être dans ce domaine-là. Donc, cette fameuse connaissance des médias sociaux et cette fameuse connaissance du monde des milléniaux doit être connue sensiblement de tous maintenant. Ouais. T'sais, on peut pas nécessairement tout changer du jour au lendemain, mais au moins essayer de s'adapter un petit peu. T'sais, comme ceux qui sont pas du tout sur Facebook en tant que tel puis qui reçoivent pas de messages. Tu peux pas recevoir les messages de personne parce qu'il y a personne qui va t'écrire par ton courriel. C'est fini. Ah, il y en a qui aiment peut-être ça. Fini. Ouais. Ouais. Mais c'est très, très rare qu'on va rencontrer quelqu'un aujourd'hui qui n'aura pas un média social. Par exemple, que ce soit Facebook, Twitter. Il y en a qui vont utiliser Instagram, Snapchat seulement. Moi, j'ai des amis qui font ça. Ouais. Mais tu sais, rendu en 2016, on est rendu en 2016. Ouais, c'est ça. Ma grand-mère Facebook. Mais OK? On n'est pas rendu en 2016, on est rendu en 2010, 11, 12, si tu veux parler de Facebook. T'sais. Ouais. C'est comme Harry. Exactement. Bref. Hein? C'est ça. Hey! Oh! T'as le fun? Ça fait chronique? Ben oui! Ça nous amène justement à un crime à la fin de l'émission. T'as bien timé ton affaire. Ça n'a pas de sens parce que ça va être le moment de se quitter pour accueillir les gens de C'est fou le sexe dans quelques instants. On remercie aujourd'hui Alassania Kouyi qui a fait sa chronique Le bus magique d'Alassania. Demain à l'émission, on va être mardi et on va avoir David Ferron à 8h30 pour la chronique du Zone Campus, les chroniques musicales pour accompagner ça un petit peu. À 9h, Marie-Christine Perra va être là pour sa chronique d'art visuel gratin et vin gratuit. C'est demain entre 6h30 et 9h30. Restez sur nos ondes. Comme j'ai dit, à 9h30, ça va être C'est fou le sexe, l'émission d'éducation sexuelle. Ensuite, toujours en direct à 11h, ça va être La sortie de secours est à votre gauche avec Lucas Hubert et Sébastien F. Gartin. en après-midi à midi. C'est la rediffusion de Rock Classique. Et puis à 20h, toujours en direct, Rock de Neuron, l'émission de rock progressif. CIFF.ca pour la programmation complète. Assemblage Requis pour les notes de l'émission. AssemblageRequis.com. Oui. Assemblage Requis, tout court, ça va trouver sur Google. C'est la même exactement, affaire. Oui. Les réseaux sociaux, puis milléniaux, puis whatever. Pareil. CIFF.ca, AssemblageRequis.com. Qu'est-ce que j'ai dit? On se quitte avec une pièce de Hockerville River. Je me suis dit que tu as parlé d'entrepreneuriat. Oui. Ça a rapport avec The Industry, l'industrie, tu sais. Oui. Travail, etc. Donc, ce sera Hockerville River et The Industry pour terminer l'émission. Et comme je disais, dans même pas, genre 7 minutes en tout, là, avec la pub, tout, mm-hmm. Ça va être, c'est full sec, ça va être malade. Donc, restez là. Restez là. Bougez pas. 6h30. Bye bye. Bon café. Something so big and abstract that I can't tell what it is. All while you're out there grinding on some poor girl who is backstage at the 6.8 Rock Fest. Trying to bum rush that VIP.